Salut à toi, auditrice, auditeur de Radio Gameuse. Nous sommes tranquilles en ce samedi après-midi 21 juillet, en direct sur nos ondes. Il est 14h02. Oh, nous sommes en retard. Est-ce à cause d'un des trois invités ici présents? Je ne sais pas, je ne balancerai pas. Je ne suis pas comme ça, ne comptez pas là-dessus. Il y a dans ce studio quelqu'un, bah, si ça se trouve, vous les connaissez tous les trois. Allez, des indices, jouez chez vous. Une chanteuse qui écrit ses chansons, qui compose, qui se produit en concert, et notamment le jeudi 26 juillet à Plombières-les-Bains, au Jardin en Terrasse à 20h. C'est gratuit, profitez-en. Elle ne sera pas seule accompagnée d'un... Lui aussi est chanteur, il est compositeur, guitariste, chef de chœur, Jean-Nicolas Mathieu. Pas la peine de dire bonjour, j'ai pas ouvert vos micros. Et le troisième larron, celui... Il s'agit de Lucas Thiria, vitrailliste, et il se trouve au hasard. Je n'ai pas fait exprès, puisque tu es ton atelier, en tout cas, Plombières-les-Bains. Ça tombe bien. Bonjour à vous trois. Bonjour. J'ai fait un one-man show, là. Je serai bientôt prêt, moi aussi, pour monter sur les planches. C'est pas sûr. Encore, hein, pas encore. Oui, beaucoup d'actualités pour vous trois, et à propos de Plombières-les-Bains, c'est cool puisqu'il se passe toujours des choses dans cette commune, Lucas. Eh ben, ça n'arrête pas de bouger, ouais. Hein, c'est, ah, non, c'est, mais c'est vrai, c'est on vrai. On se dit, ouais, c'est... parce que je suis là, mais que, non, mais c'est vrai, ça bouge pas mal, quoi, finalement. Il y a un sacré, un paquet d'animations. On peut penser à tort, c'est un bled perdu. Bah, non, c'est un petit village, voire une ville. Mais voilà, 1800 habitants, avec 600-700 habitants au cœur de village. Et bah voilà, ça bouge, il y a plein de choses, il y a des... Énormément d'artisans et d'artistes. Ouais. On est une quinzaine quand même. Et une quinzaine d'artistes et d'artisans d'art. Et comme... Ça peut rien. Et comme je te tiens, je ne vais plus te lâcher, dis-nous tout, raconte-nous, toi ton histoire en ce qui concerne, ben je le disais, hein, toi c'est le verre, toi, ta matière première, mais ça n'a pas été le cas tout de suite. Quel est ton parcours avant d'en arriver là? Bon, en quelques mots. Eh ben moi c'est tout simple, c'est relativement simple quand même. Hein. Je suis une personne qui a travaillé en usine pendant des années et des années, et qui travaille encore en usine parce que le verre me permet pas de vivre de ma passion. Donc ben je continue à travailler, voilà. Et puis un jour, voilà, bon je sais pas, faudrait étudier plus profondément dans ma tête ce qui s'est passé, mais voilà, j'ai eu envie de faire quelque chose, de créer, et je suis parti sur le verre. Plein de couleurs, plein de techniques, et puis le côté artistique, enfin voilà, c'était... L'envie c'est était là, comme mais ça. Comment as-tu fait pour pouvoir accéder à ce rêve? Oh ben après, il y a des associations qui existent, comme à Gérardmer, où on peut travailler le verre toute l'année, en payant une petite somme qui est pas... Enfin, c'est pas énorme. Donc à la MCL, à Gérardmer, il y a une personne qui tient un petit atelier, voilà, qui... où on apprend tranquillement. Là, j'ai fait ça pendant 3 ans, et ensuite, ben, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin. Donc, je suis allé au CERFAV, le Centre Européen Recherche et Verrière, enfin, je sais plus exactement tout. Voilà. Aux Arts Verriers. Et donc, à Vannes-le-Châtel, à côté de Toul. Et là, ben, j'ai appris un petit peu plus. Je me suis formé vraiment, très sérieusement, avec l'obtention d'un CAP au bout d'un an. Voilà. Et après, tu as ouvert ton atelier qui s'appelle voilà. Les vitraux du Diable Vert. Voilà. C'est 4 rues Griot à Plombières-les-Bains, juste ouais. En dessous des jardins en terrasse. Au pied des jardins, oui. Et est-ce que ça a été compliqué de monter cette entreprise? Non, le compliqué, non, c'est pas super compliqué, parce que il y a des statuts maintenant d'entrepreneurs, tout ça, qui sont relativement simples, c'est... Donne-nous quelques conseils, vers qui tu t'es dirigé pour... J'ai essayé plusieurs directions, j'ai essayé vers des pépinières d'entreprise, vers des choses comme ça. Bon, ça me convenait pas spécialement, du fait que je travaillais toujours à côté, donc c'était quand même c'était pas évident, quoi. Donc le seule chose, bah voilà, c'était auto-entrepreneur, c'était des démarches très simples à faire, enfin un petit peu plus compliqué, je crois maintenant qu'il y a des stages, à l'époque il y avait pas de stage obligatoire, maintenant je crois que c'est obligatoire, bah, c'est pas super compliqué quoi. Et après, ben voilà, faut se lancer, quoi. C'est plus compliqué de se tenir en vie que que de créer le truc, quoi. Ceux qui nous entendent ont peut-être envie de voir comment tu travailles, d'aller visiter cet atelier. Est-ce que c'est possible? Comment doit-on procéder? Bah, le mieux, c'est d'appeler, tant qu'à faire. Après, je suis là régulièrement, mais suivant le travail, en général, je suis là tous les week-ends, sauf, je crois, au jour, cet après-midi, je suis pas là. Mais autrement, voilà, on se débrouille. Après, le mieux, c'est d'appeler. Si vraiment vous voulez faire une visite un peu plus complète, voir plus de choses, vous passez un petit coup de fil, et puis voilà, on se donne rendez-vous, et ça marche très bien. Lucas, c'est ballot, puisque l'animateur assez bordélique a perdu ta carte de Bravo. Visite. Ce numéro de téléphone, quel est-il? Alors, pour appeler, c'est Sam, c'est le 06 45 46 86 11. 06 45 46 86 11. Voilà. Et appelons Bière-les-Bains. Si vous avez téléphoné à Lucas au préalable et que vous aurez obtenu le sésame pour aller lui rendre visite, vous pourrez peut-être le faire bien jeudi. Ça devrait être bon, Lucas, jeudi 26 juillet, ce jeudi? Jusqu'à 16 heures. Non. Ah ben voilà, 16 heures, ça tombe bien, vous serez sur Pont-Bière-les-Bains et vous pourrez ensuite vous rendre au jardin en terrasse pour voir Delphine et Jean-Nicolas ici présents et qui vous feront une prestation au théâtre de Verdure en plein air. Et puis ne vous inquiétez pas si il y a mauvais temps, je ne pense pas, mais au cas où, et il y aura repli sous la grande halle des jardins, donc tout est prévu pour ça. L'ouverture du site à 19h, il y aura, je disais, c'est gratuit, mais après, c'est gratuit ou prix libre, en tout cas, chacun peut donner. Et puis, il y a la buvette, restauration sur place. Bref, tout ce qu'il faut pour passer la journée à Pont-Bière-les-Bains. Mais avant d'arriver à ce spectacle, comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui, à savoir, je disais, chanteuse, mais chanteur aussi, Jean-Nicolas, même si c'est pas peut-être ta vocation première, quoique la guitare ou le chant, c'est égal pour toi, tu aimes autant les deux? J'aime autant chanter que faire de la guitare. Après, suivant les projets, j'exploite telle ou telle ficelle que j'ai à mon arc. Voilà. Donc j'ai différentes compétences et suivant les projets qu'on me propose, j'exploite plutôt la composition, l'arrangement, ou alors le chant, ou alors la guitare, ou des fois les deux. Enfin, c'est un tout formé de plusieurs petites parties. Vers quelle ficelle t'es-tu dirigé en premier quand tu étais minot? Alors, j'ai commencé la musique en faisant du corps d'harmonie à Remiremont, à l'harmonie de Remiremont. J'en ai fait pendant une dizaine d'années, je dirais. Et puis ensuite, je suis allé au conservatoire à Nancy en corps d'harmonie et j'ai commencé la guitare électrique en parallèle, puis la guitare classique au conservatoire. Donc c'était une formation relativement classique jusqu'à ce que je me mette une guitare électrique dans les mains. Le déclic, il y en a eu un ? Il y a eu un déclic, Igiaphone, le téléphone. Ah. Voilà. Et c'est rigolo que tu parles de ça, puisque il y a quelques jours, j'ai maté, peut-être vous aussi, le concert des Insupportables au Stade de France. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a remémoré plein de souvenirs. c'était une culture, c'était aussi la culture rock de mes frères, quoi. Donc c'est rentré par une oreille et puis ça a fait son chemin dans la tête. Et maintenant, ça ressort avec la guitare, avec la voix, il y a une fusion de tout ça en fait qui fait que il y a des fois un peu de musique classique qui ressort, des fois un peu de rock, et c'est un va-et-vient entre les deux ou souvent une alchimie entre les deux. Voilà, c'est pas moi qui choisis, c'est ça vient comme ça. Avec le corps d'harmonie, instrument avec lequel tu as démarré la musique, puis le corps, C-O-R-P-S, qui est aussi un instrument que tu emploies pour faire des percussions. Oui, alors ça c'est une pratique que j'emploie surtout dans les ateliers que j'anime. C'est-à-dire c'est intéressant parce que ça permet avec le corps de pouvoir faire des rythmes de batterie. Donc c'est accessible à tout un chacun, à n'importe qui est capable de claquer des pieds, claquer de la langue, snapper, frapper des mains, et tout de suite avec des mouvements cycliques, on arrive à faire des rythmes qui se tiennent. Voilà, donc c'est avec les enfants, il y a un apport sur la motricité qui est pas négligeable. Et puis il y a pas nécessairement besoin de prérequis pour faire de la percussion corporelle. Tu parlais de rock, c'est là aussi un de tes styles, hein, parmi les nombreux genres que tu utilises, et notamment avec le groupe Mon Désert de Nancy. Oui, il y a eu 3 albums qui ont été faits avec ce groupe-là, où je tiens la guitare, et c'est un très très bon groupe avec des textes très très sur l'intérieur, sur ce qui se passe en nous. Oui, c'est un groupe de cœur. C'est vraiment un groupe de cœur. Ça fait 12 ou 13 ans que je suis dans ce groupe-là, et c'est toujours aussi agréable de retrouver les quatre Nancéens et de croiser la guitare avec eux. C'est toujours aussi agréable. La musique qui en sort est vraiment toujours assez savoureuse et assez tordue. Le silence est d'or, un de vos morceaux ? Ouais, c'est un bon morceau. Écoutez-le. Oui, le silence est d'or et la foule sexy veut la boîte de Pandore, y aura rien, c'est tacite. Oui, le silence est d'or et la foule s'enflamme, danse autour du veau d'or qu'on bénit, qu'on acclame. Et le silence est d'or. Oui, le silence est d'or. Oui, le silence est d'or, et la foule se résigne, les laissant à leur sort, les coupables qu'on désigne. Oui, le silence est d'or, et la foule se disloque, dès l'appel des renforts, elle abaisse son froc. Et le silence est d'or, oui, le silence est d'or, le silence est d'or, oui, le silence est d'or. Le silence est d'or, et la foule est rentrée vers la loi du plus fort devant sa cheminée. Le silence est d'or, et de foule y en a plus, il fait trop froid dehors, elle s'occupe de son cul. C'est d'or, et la foule est chez soi, jouissant du décor sur de grands écrans plats. Le silence, c'est la mort, et la foule s'est tue, et la loi du plus fort gagne une fois de plus. Le silence, c'est la mort. Le silence, c'est la mort. Le silence, c'est la mort, et la foule s'est tue. Le silence, c'est la mort. Le groupe Mon Désert qui vient de Nancy, et vous avez peut-être, vous savez pourquoi ça s'est appelé comme ça ce groupe? C'est la rue de Nancy, la rue Mon Désert, n'est-ce pas Jean-Nicolas Mathieu qui en fait partie? Vous avez sans doute entendu sa guitare dans ce morceau, Le Silence est d'or. Oui, alors après faut me connaître intimement pour savoir que c'est le son de ma guitare, mais c'est vrai que il y avait un peu de ma guitare dans cette musique, et le nom du groupe fait référence au nom de la rue Mon Désert ou quartier Mon Désert. Ce n'est pas moi qui ai choisi, mais effectivement c'est ça le C'est ça la genèse du nom du groupe. Il y a de l'actu pour ce groupe actuellement ? Un nouvel album en préparation, ouais. On a commencé à retravailler sur des arrangements avec Olivier Fresson, le chanteur, et il est passé il y a pas très longtemps, et on a commencé à enregistrer des démos en vue de faire un album vers là, je sais pas, sûrement fin 2018, début 2019. Vous vous dites peut-être que Jean-Nicolas Mathieu, ce nom, vous dit quelque chose, certainement, puisqu'il est partout, cet homme-là. À chaque fois que je regarde un projet d'un artiste local, je vois guitariste Jean-Nicolas Mathieu, musicien Jean-Nicolas Mathieu. Là, on a entendu bon le groupe Bon Désert, hein, tu es membre à part entière, mais sinon, il y a des participations, par exemple, avec Mademoiselle Armao, Amélie de son prénom. Oui, alors je travaille avec sa compagnie qui s'appelle le théâtre de l'imprévu depuis près d'une 10-12 ans maintenant, et là on est sur un projet, alors on a beaucoup travaillé ensemble sur, j'ai beaucoup travaillé avec elle sur des bandes son théâtre, sur des spectacles aussi, des mises en musique, de la composition, de l'arrangement, du réarrangement de morceaux déjà existants, et puis là on a un spectacle qui s'appelle Nuit sans lune, qui est un spectacle pour enfants, voilà, qu'on joue, c'est un format de 40 minutes, qu'on a créé pour le réseau de médiathèques en fin d'année dernière, 2017, et que là, on continue à jouer parce que ce spectacle est demandé et il est vraiment, c'est chouette, c'est un spectacle, une petite balade de 40 minutes sur la phase d'endormissement d'une petite fille qui s'endort et qui veut pas dormir, et c'est un spectacle avec plusieurs niveaux de lecture, un niveau de lecture pour les enfants, un niveau de lecture pour les parents qui doivent coucher leurs enfants, et des fois, c'est pas facile. Vous avez peut-être vu Nuit sans lune au dernier Zinc Grenadine au port d'Épinal, où vous êtes allé aussi à l'école du Rumont cette année. Oui, on est allé à l'école du Rumont et on va le jouer à la MCL de Gérardmer la semaine prochaine, samedi 28 à 15h me semble-t-il. On est en plein dedans là. Ouais. Ça c'est de l'actu. Et puis on développera encore avec toi Jean-Nicolas, parce que il y a tellement, je le disais, de participation, bien sûr avec la compagnie L'Aéronef. Emmanuel Bemer aussi, avec ce projet Jeu et une autre, vous jouerez à la salle Poirel. Tu es chef de chœur à l'écho du Conné, hein, cette chorale du Riménil. Ouais. Et je dois en oublier. Et c'est, voilà, je le disais parce que ça me fait sourire à chaque fois. J'ai l'impression de voir des Jean-Nicolas Mathieu partout. Ouais, on est plusieurs, en fait, hein. Je suis un petit peu le Mélenchon de la musique. Un petit peu, il y a des hologrammes, il y a des choses comme ça. On met au point, on est avec les ingénieurs assez de haut niveau pour trouver des solutions pour que je sois partout. Le but, c'est d'en avoir partout dans le monde entier. Et Delphine, c'est ta chance. Oui, j'en profite au moment que tu bois un coup pour te poser une question. Je suis comme ça, c'est-à-dire que je te laisse poireauter pendant 20 minutes et au moment où tu décides de lever ton verre, pam, je te pose la question. Je suis sympa. Hein. Merci Mika, c'est très sympa. Oui, t'as de la chance hein, qu'il y ait des hologrammes Jean-Nicolas Mathieu, puisque tu as pu en récupérer un. Hein. C'est très pratique, écoute, c'est une ingénierie de dingue pour récupérer un hologramme, mais une fois qu'on l'a, on est très content. On est très content. Avant que tu nous racontes cette rencontre, toi ton parcours, alors quel est-il ? Comment as-tu débuté dans le chaudron de la chanson française ? Alors j'ai débuté par le biais du théâtre, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre dans les Vosges, et entre autres avec la compagnie des Jolis Mômes. Et étant donné que c'était du théâtre musical, à un moment donné, la directrice avait décidé d'enregistrer les chansons originales des spectacles. Et c'est comme ça que, en fait, j'ai enregistré un CD avec eux. Et l'ingé son m'a dit, mais t'écris des chansons? Ben non. Tu fais des concerts? Ben non. Ben qu'est-ce que t'attends? Et en fait, c'est comme ça que ça a débuté. J'ai commencé tout simplement en guitare-voix, sans aucun micro ni rien du tout, dans les Vosges, à Strasbourg, etc. Puis au fur et à mesure, ça s'est développé, c'est devenu Delphine se défile. Et puis ensuite, il y a eu la rencontre avec Jean-Nicolas. Quelle a été ta démarche? Vers qui tu t'es dirigé une fois qu'on t'a dit « Ah tiens, t'as un joli brin de voix, ça serait pas mal que tu te lances ». Qu'est-ce que tu as fait comme je disais, vers qui es-tu allé? Ben moi en fait je suis restée en contact avec cet ingé son qui s'appelle Jérémy Mathieu, qui maintenant bosse pour Carte Blanche, qui est une entreprise qui fait de l'événementiel, voilà, avec plein d'ingé sons qui sont super sympas et très compétents. Et en fait, je me suis tournée vers lui, et quand j'ai commencé à écrire des chansons, je lui ai fait écouter. Et il s'avère qu'il est toujours très ami avec Jack Simard, et Jack aussi m'a conseillé au début. Et puis ensuite, ben un peu toute seule, puis après c'est par le biais des rencontres aussi. Tu disais hein, toute seule, beaucoup t'ont vu en concert seule avec ta guitare sèche. Ouais, tout à fait. Et alors, comment qu'on choisit d'avoir un guitariste avec soi quand on a l'habitude d'être sur les routes toute seule? Ça partait de, disons que déjà de base, moi j'aime bien partager, et je trouvais ça intéressant de partager la scène à deux. J'avais déjà travaillé avec un autre guitariste qui était venu d'ailleurs, oui, Maxime Rimelé. Et puis j'avais pas envie de m'arrêter là, parce que pour le coup avec Maxime il était en plus de temps en temps, mais je gardais tout le temps la guitare quand même, la guitare de base, et lui il a porté des petits ajouts, mais on va dire que le set se faisait encore beaucoup toute seule. Et en fait, j'avais envie à un moment donné de poser un peu la guitare et de me centrer sur le chant, sur la voix, sur l'interprétation, et de la laisser à quelqu'un qui maîtrise complètement son instrument, au-delà du juste guitare-voix habituel qu'on peut avoir dans les concerts. Donc, l'intérêt, c'était de pouvoir mélanger ma voix à la sensibilité musicale de Jean-Nicolas et à la guitare électrique, et je trouve ça très intéressant qu'on soit en duo, et d'essayer de pousser, justement c'était le but du projet, de pousser un maximum au maximum des possibilités de duo seulement guitare électrique et voix, ce qui se fait finalement assez peu. Delphine se défile avec Jean-Nicolas Mathieu à la guitare, voici ce que ça donne. J'écumerai les ports tant qu'il le faudra. Je traînerai mon falzar sur les tabourets de bois. Je boirai à la santé des habitués, à celle de ceux qui viennent m'écouter, à tous les fêlés, ceux pleins de fêlus qui ont la vie dure et l'auront encore, ou presque mort, à tous les retards, de tous les bords et de tous les sexes. Du chaos naissent les étoiles. À toutes celles-là, je lève mon verre. Du chaos. C'est là, je lève mon verre. Aux prostituées du corps ou de l'amour, au cinquième roue du carrosse, au chandelier plein de bosses. Du chaos naissent les étoiles. À toutes celles-là, je lève mon verre. Du chaos naissent les étoiles. À toutes celles-là, je lève mon verre. Aux marginaux, pas toujours en marche, aux tatoués marqués au fer rouge, à tous ceux qui veulent prendre le large, à tous les poissons, tous les perchés, à tous les artistes que la chance a raté. Du chaos naissent les étoiles. À toutes celles-là, je lève mon verre. C'est là, je lève mon verre. Je lève mon verre, je lève mon verre. Je lève mon verre, je lève mon verre. Vous écoutez Radio Gémozo, émission hors format, avec Delphine Didier, alias Delphine se défile, que vous venez d'entendre, et Jean-Nicolas Mathieu à la guitare. Il y a aussi dans ce studio Lucas Thiria, vitrailliste de son état à Plombières-les-Bains, au Claude des Deux Augustins, ouais. 4 rue Griot. Delphine, on vient d'entendre à tous les faits, spéciale dédicace, l'origine de ce morceau. Alors c'est une spéciale dédicace à la période où je vivais à Strasbourg, et en fait on faisait pas mal de répètes dans les sous-sols d'un bar qui s'appelait l'Artichaut, qui existe toujours mais qui a été repris, et en fait il faisait pas mal de concerts, etc. Et si tu veux, la cave était le lieu où il y avait tous les concerts, etc. Et forcément, à force d'y répéter très très régulièrement, ben j'ai appris à connaître tous les serveurs, tous les piliers de comptoir, la vie d'un bar, quoi. Et je me suis dit, ben tiens, c'est l'occasion de faire une chanson. Cette émission, son principe, je ne l'ai pas rappelé, c'est de faire se rencontrer plusieurs personnes. Alors, se rencontrer, ou parfois ils se connaissent déjà. Hein. Là, je n'ai pas posé la question rituelle, mais vous l'avez compris, Jean-Nicolas et Delphine se connaissent, et vous allez savoir dans quelques instants, et ça c'est du teasing, comment ils se sont rencontrés. On mettra peut-être un petit générique, je sais pas. On verra selon l'ambiance de cette rencontre. Et par contre, et je crois que vous ne vous connaissez pas, hein, Lucas Thiria et Delphine et Jean-Nicolas. Bah, moi, Delphine, j'ai déjà vu jouer, ça c'est sûr. Jean-Nicolas, non, je connais, on vient de... Vous êtes Stéphanois tous les deux. Vous êtes Stéphanois tous les deux. Ah, ben, je savais pas. Oui, apparemment, on se connaît par d'autres biais plus. Par d'autres biais, plus, ouais. plus anciens. Voilà, plus anciens. N'hésitez pas, si jamais vous avez envie de poser une question à un des invités. Hein. Il n'y a pas que moi qui suis là pour ça. C'est vraiment aussi une émission d'échange. Donc, si vous posez des questions, comme c'était le cas hors antenne, tu posais une question à Delphine, vas-y, dis-nous, on veut savoir. Oui, j'ai demandé à Delphine si ça faisait combien de temps qu'elle avait commencé à jouer la musique. Et ce à quoi j'ai répondu que j'avais commencé le projet en 2010. 8 ans. Ouais, 8 ans. Déjà. Ouais, déjà, comme tu dis. Et vous pourrez voir Delphine et Jean-Nicolas ce jeudi 26 juillet à Plombières-les-Bains, chez toi, Lucas. En tout cas, au-dessus. Au-dessus de ton atelier. En voisin. Au jardin, en terrasse, au théâtre de Verdure. Le concert est prévu à 20h. Bien sûr, il est. Pas demandé, mais recommandé de venir avant, hein, pas arriver juste au début du concert, comme ça vous pourrez profiter de ce magnifique lieu, et puis boire un coup, vous restaurer, il y aura tout ce qu'il faut là-bas. C'est participation libre pour l'entrée, et puis peut-être l'après-midi, vous aurez rendez-vous avec Lucas en l'appelant 06 45 46 86 11, c'est ça, Lucas? C'est ça, oui. Parce que j'ai écrit comme un cochon sur ma feuille, je suis surpris que j'ai les bons numéros. Dans l'ordre, les complémentaires, il n'y en a pas. C'est ça. Et oui, on pourra te rendre. Oui, oui, oui. Jeudi, je serai là jusqu'à 16h. Toi, c'est... Alors, je vais vous donner l'adresse exacte. Hein. C'est 4 rue du Griot. Et les jardins terrasses, c'est 8 rue du Griot. Et puis... C'est les bureaux, oui. Delphine et Jean-Nicolas, on pourra, si on vous a loupé à ce moment-là, hein, que des personnes de Remiremont ne peuvent pas aller à Plombières, ils pourront vous voir à Remiremont même, place de l'Abbaye, ça sera le 25 août, pour clore ce festival, un air d'été, hein, qui a lieu tous les samedis, toutes ces animations, et vous, c'est vous qui conclurez ce moment estival par le concert à 20h. Oui. Comme je le disais, place de l'Abbaye, gratuit. Voilà. Et juste après votre performance, il y aura un bal. Je sais pas s'il y aura un feu d'artifice, en tout cas, je sais qu'il y a un bal de prévu. Oui, un bal populaire, tout à fait. Mais quoi qu'il en soit, vous pourrez vous échauffer les membres, hein, sur les airs de Jean-Nicolas et Delphine. Hein, vous l'avez entendu avec tous les fêlés, votre musique fait bouger. Et les chansons. On va passer à toi, Lucas, pour parler un petit peu de tes œuvres. Je sais que t'étais venu. Je dis œuvre. Bah pourquoi? Parce que déjà au tout début, quand t'es venu en tant que vitrailliste, moi je pensais vitrail. Alors on pense tout de suite, bien sûr, les édifices religieux, mais à oui. cette époque, Lucas, Ça fait partie du métier. Hein. Tu avais fait remarquer que il y a pas que ça. Si on se promène en ville, par exemple, à Miremont, on voit des particuliers avec des vitraux chez eux. Ah, il y en a énormément, oui. Ah, oui. Plus qu'on le croit, il faut bien regarder les bâtiments. Bah, après, sur Miremont, c'est beaucoup des vitraux d'époque Art Nouveau, hein. début 1900, fin 1800, début 1900. Et oui, c'est vrai qu'il y en a énormément. Ouais. Tu demandais à Delphine quand elle avait commencé, et toi alors c'était quand justement que tu es venu ici la première fois pour parler de ton atelier, ton entreprise? Bah, dans l'historique, mon premier morceau de verre que j'ai découpé, c'était en 2009. Pour cette formation à la MCL de Genre. Voilà. Et l'entreprise? L'entreprise ouverte en 2014. À ce moment-là, donc on parlait vitraux. Et depuis, moi j'ai suivi ton évolution, je regarde de près, Lucas, à la page Facebook, hein, vous tapez par exemple les vitraux du Diable Vert et vous tombez sur tout de suite, hein, mais sinon on peut y arriver, oui, y parce arriver que par d'autres biais. Mais je suis pas un grand expert sur... Oui, mais il y a ce qu'il faut, Lucas, on peut voir notamment diverses œuvres, et moi ce que j'ai aimé, c'est maintenant on passe beaucoup, toi tu es en train de beaucoup aller vers les objets d'art. C'est-à-dire qu'on n'est plus que dans le vitrail, mais on est vraiment dans la fabrication d'objets. Oui, c'est beaucoup d'objets, oui, beaucoup d'objets de déco, oui. Ouais. Par exemple, là, si vous allez sur la page Facebook, les vitraux du Diable Vert, allez, hop, une autre couche, vous y verrez une jolie horloge. Ah oui. Un poisson dans son aquarium. Ouais. Et surtout, et ça va vous parler à tous, vous les mélomanes, la cassette à bisous. Ah, la cassette à bisous, ouais. Oui, ah, c'est un truc... C'est une création, tu peux nous en dire plus? Ouais, bon, c'est une création, il y a plusieurs choses, quoi, qui sont intervenues là-dessus, ça paraît idiot, mais bon, c'est déjà par rapport à Jean-Christophe Averty, ça paraît bizarre, hein, qui, quand il faisait ses émissions, disait toujours à vos cassettes. Quand il passait un bon morceau, parce qu'à l'époque on enregistrait sur des cassettes, donc il disait ça, voilà quoi. Puis après cassette à bijoux, cassette à bisous, voilà, c'est devenu comme ça, quoi. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans cette cassette à bisous? Ben, un bisou, un petit bisou en verre qu'on offre à son compagnon, à sa compagne, à qui on veut, pour juste une petite marque d'attention ou juste pour le laisser un petit bisou dans la poche quand on s'éloigne l'un de l'autre. J'avais déjà évoqué, mais bien sûr, comme c'était pas avec toi, on n'était pas allé dans les détails, hein, cette cassette à bisous avec Anne Axer, qui était venue ici, qui est illustratrice de la BD, par exemple, Forest Aigroin, qui crée également des bijoux fantaisie du côté du Clos des Deux Augustins. En tout cas, ils sont en vente aussi dans ton atelier. Bah, c'est-à-dire qu'elle les fait cuire dans mon atelier. Et effectivement, elle a fait quelques jaquettes pour les cassettes à bisous. Et quand on avait évoqué cette cassette à bisous, je lui avais dit, moi ça me fait penser à du pop art. Du pop art. C'était la présentation sur sur internet, qui a été un peu comme ça, quoi. Mais ça fonctionne, puisqu'il y a une personne qui a acheté plusieurs bisous justement pour refaire un tableau. Donc c'est très bien. Il y a plein de variantes colorées de ce bisou. Bah après voilà, hein. Là il y a un choix qui est actuellement. Après on peut faire sur commande, ça c'est pas voilà. D'ailleurs on dispose de plein de couleurs. Tout est sur commande, hein. Si Delphine et Jean-Nicolas, vous avez envie de faire un cadeau à un de vos proches et que vous avez comme ça une idée d'un objet d'art qui pourrait être en verre, ah ben vous pouvez appeler Lucas et puis ensuite vous voyez ensemble de comment ça peut être fait et puis les délais, par exemple. Tout est possible, tout est imaginable. Je travaille beaucoup pour des gens qui viennent sans spécialement d'idées. Voilà, on veut un cadeau, on veut une chose, on veut... Je travaille avec d'autres artistes aussi, hein, qui... On mélange les matières, entre le bronze, entre la terre aussi, enfin voilà, quoi. Alors justement, Lucas, ça c'est un thème intéressant pour tous les trois, bien que le domaine soit différent, les collaborations. Toi, Lucas, bah, tu l'as déjà dit, hein, tu collabores beaucoup avec d'autres artistes qui œuvrent avec d'autres matières. qui utilisent ces autres matières, comme ça a été le cas aussi, par exemple, pour les trophées du City Run, cette course à Pont-d'Arribat. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, c'est les organisateurs du City Run qui sont la Société d'Art et Histoire, donc qui organisent une compétition sportive et une compétition, enfin pas une compétition, une marche populaire, plus une marche populaire dans Plombières, et qui ont eu la bonne idée de faire travailler les artisans locaux. Donc la première année, ils nous avaient fait faire un trophée chacun, entre le bronzier, le potier et moi. Et puis l'année suivante, ils ont décidé de nous faire faire un trophée commun. Voilà, ce qui était très intéressant à faire. Et donc là, on a refait encore cette année, et puis ben, on verra bien pour l'année prochaine, mais normalement j'espère. Ne crois pas que tu vas t'en sortir. Même si c'est encore pas, même si c'est plus les mêmes artisans, s'il faut travailler d'autres artisans de Plombières, pourquoi pas, c'est pas gênant, hein, c'est pas. On veut plus de détails sur ce trophée en commun. Quels sont les artistes qui ont travaillé avec toi et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez représenté au final pour ceux qui ne l'auraient pas vu? Donc, la première année, on a travaillé en commun. C'était donc avec Innocent qui fait du bronze et Gérard qui fait de la poterie. Donc ça a été, et puis moi évidemment, mais ça a été une œuvre où il y avait Gérard qui avait fait donc une tour centrale. Moi j'avais fait les escaliers tout en verre, tout autour d'un escalier en colimaçon, et Innocent faisait les personnages qui montaient les escaliers, voilà. Et cette fois-ci, ça a été plus rapide parce qu'on était un peu à la bourre. C'est étonnant comment on est fou à la bourre. Et donc là, c'était des arches qui rappellent les arches de les arcades de Plombières. Et ensuite Anne, puisque c'était Anne qui remplaçait Innocent parce qu'Innocent était parti au Burkina, et Anne a fait des personnages en fil de fer. Une sculpture en fil de fer. Et moi, j'ai fait un fond qui allait derrière les arcades, qui donnait de la profondeur, quoi, un petit peu, voilà. À propos d'Anne et de collaboration, non, Lucas, ça ne te concerne plus, toi. Pourtant, on parlait d'Anne Axer, mais on va parler d'une autre Anne et d'une autre collaboration, mais ça, c'est la minute pas papillon, hein, mais la minute surprise. Écoutez ceci et on en parle ensuite. Doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum doum. Et que ton oreiller toum toum toum toum ressemble au champ de blé toum toum toum toum quand l'ombre et la lumière toum toum toum toum dessinent sur ton corps toum toum toum toum des montagnes, des forêts toum toum toum toum et des îles au trésor toum toum toum toum quand ta bouche se fait douce toum toum toum toum quand ton corps se fait dur toum toum toum toum quand le ciel dans tes yeux toum toum toum toum d'un seul coup n'est plus pur toum toum toum toum quand tes mains voudraient bien toum toum toum toum quand tes doigts n'osent pas quand ta pudeur dit non toum toum toum toum d'une toute petite voix toum toum toum toum toum toum toum toum toum toum toum toum toum toum toum toum toum toum toum toum toum toum toum toum toum toum toum toum quand tu ne te sens plus chatte toum toum toum toum et que tu deviens chienne toum nanana et qu'à l'appel du loup toum nanana tu brises enfin tes chaînes toum nanana quand ton premier soupir se finit dans un cri quand c'est moi qui dis non quand c'est toi qui dis oui quand mon corps sur ton corps lourd comme un cheval mort. Tout ne sait pas, ne sait plus. S'il existe encore. Quand on a fait l'amour. Comme d'autres font la guerre. Quand c'est moi le soldat. Qui meurt et qui la perd. Ah, je ne vous vois pas, mais je sais que vous étiez parti ailleurs. C'était Jean-Nicolas Mathieu au chant, puisque depuis le début, hein, on parle, on a entendu déjà, et vous la connaissez, la voix de Delphine. On disait, on parlait du musicien Jean-Nicolas, mais la voix est tout aussi importante pour lui que la musique. On le disait en tout début d'émission, et maintenant, ça y est, vous en avez une preuve. Puisque c'était cette chanson, vous l'avez reconnue, Lucas, c'était quoi la chanson? Même si le titre n'est jamais dit, il n'y a que les couplets, c'était quoi? Vas-y, dis-nous dans le micro. Qui, moi? Oui. Ah ben, c'est Johnny, que je t'aime. Exactement. Tout le monde connaît. C'était un extrait du spectacle Love Songs de la compagnie L'Aéronef. Compagnie, Jean-Nicolas, tu en fais partie de cette compagnie. Et donc c'était, déjà tu vas nous expliquer un petit peu c'était quoi ce spectacle et ton travail dessus. Et puis je précise que ce morceau, hein, puisque tu le savais pas, il avait été, enfin tu te rappelais peut-être plus, il avait été enregistré ici quand t'es venu avec Anne faire la promotion du spectacle. Oui, effectivement, je me souvenais plus que j'avais enregistré ça comme ça en direct. J'avais ramené un looper, un micro et puis ce qu'il fallait pour enregistrer. Enfin voilà, donc c'était une bonne surprise de réécouter ça, parce que même moi je n'ai pas enregistré chez moi, donc voilà. Merci Mika. Et effectivement, ça a été créé pour la bande son du spectacle Love Songs. Spectacle Love Songs, c'était un spectacle sur scène, sur plateau, quoi, avec deux danseuses et moi qui faisais de la musique live. Et le principe, c'est qu'on remixait j'ai réarrangé des chansons d'amour qui ont été chorégraphiées par Anne Marion. Et interprété par Anne Marion et Morgane de Quélin. J'exécutais aussi quelques pas de danse à l'intérieur, parce que le principe c'était que les danseuses chantent et que le musicien puisse danser un peu. Voilà, donc c'était toujours le croisement des disciplines dont on a parlé tout à l'heure avec Lucas, le croisement des domaines artistiques, voilà, qui finit par enrichir et l'un et un domaine et l'autre domaine. Et dans ce spectacle, tu te faisais les muscles, tu tirais à la corde. Exactement, torse nu sur scène. Et on peut retrouver dans ce spectacle, bon, j'en profite aussi pour dire que les chœurs qu'on entendait, il y avait ta voix Jean-Nicolas, et puis les chœurs c'était Anne. Oui, et Wain-Wain. Oui, oui. La reprise là a été faite sur le thème de la Banera de Carmen. Voilà, toum, toum, toum, toum, toum, toum, toum. Toum, toum. Voilà, ça c'est le thème, c'est le rythme de la Banera, Carmen de Bizet. Et Anne faisait effectivement le qui est aussi un élément assez marquant de ce passage musical dans l'opéra de Bizet. C'est génial, hein, les loopers. Toi, tu t'amuses avec ça de pouvoir additionner les sons que tu enregistres en direct? Ouais, c'est assez intéressant parce que d'essayer, ce qui c'est pas forcément une moindre affaire de mener le looper pour autre chose que ce qu'il est, c'est-à-dire un outil de répétition. Alors ça peut être intéressant dans une phase d'exercice musical pour s'approprier une grille d'accords ou pour s'approprier. Mais quand on commence à vouloir réellement faire de la musique avec un looper, c'est plus compliqué parce qu'on est victime de la boucle. Alors mon travail à moi avec ces machines-là, c'est d'essayer justement d'être le plus fluide et le plus musical possible. Et puis ça devient vraiment un instrument de musique à part entière, autant que la guitare ou la voix. Finalement, le matériel musical devient un instrument de musique à part entière et plus juste un outil de répétition. Et ça, c'est j'aimerais bien pousser le vice un peu plus loin. Voilà, et puis peut-être l'exploiter aussi dans des formules plus comme je fais avec Delphine, où on croise aussi le looper avec d'autres disciplines musicales, parce qu'il y a toujours le rapport à l'autre aussi. Quand on joue au looper, on est tout seul avec ses machines, mais il faut pas oublier que la musique, c'est aussi une discipline musicale qu'on doit faire à plusieurs et avec qui on doit se faire alimenter par d'autres sources que soi-même. Voilà, ça c'est important, et je sais que ça doit être comme ça dans n'importe quel domaine artistique. Quelle était l'idée de ne jamais chanter le refrain, ne jamais dire que je t'aime? L'idée, c'est que on s'est aperçu que ça fonctionnait plus. Ça fonctionnait pas parce que j'arrivais pas à trouver la bonne intonation. Puis la musique, elle est connue. C'est comme la Joconde. On peut faire n'importe quoi avec la Joconde, qu'on la peigne sur une bouteille de Coca, la semelle de ses godasses ou n'importe quoi. La Joconde restera toujours la Joconde. Donc avec ou sans le refrain, que je t'aime restera toujours que je t'aime. S'il y a les quatre premiers mots, ça restera que je t'aime. C'est plus joli comme ça. Hein. Bah en plus il y avait un côté grandiloquent dans le refrain qui collait pas du tout. Merci Lucas. Mais du coup ça cassait la fluidité du truc, et puis là le fait que ce soit scandé, répété plusieurs fois et tout ça cassait complètement le truc. Voilà. Camille l'a bien fait dans sa reprise de Que je t'aime, parce qu'elle l'a fait. Moi ça marchait pas. Voilà. Et Lucas, je suis sûr que t'as apprécié le mix qu'a proposé Jean-Nicolas avec Carmen de Bizet. Je connais pas trop. Hein. J'étais persuadé que t'étais très musique classique. Non, je connais un petit peu, mais c'est vraiment très. J'ai vu qu'il passait à Arouet d'ailleurs, Carmen, au château d'Arouet. Ça me tentait presque d'aller voir. Mais c'est vrai que je suis pas un grand connaisseur en musique. T'es peut-être pas un grand connaisseur, mais qu'est-ce que t'es balèze en transition, puisque on parlait de Jean-Nicolas et la compagnie L'Aéronef, mais justement, les châteaux, je dirais pas c'est votre truc, mais vous avez parfois proposé des performances dans les châteaux, n'est-ce pas? Vois-tu de quoi je parle? Non, je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Je vais te le dire, tu vas voir, ça va Vas-y. Faire aussi le lien avec votre actualité. Hein. On conclura avec la compagnie L'Aéronef sur ce passage, en parlant du travail que vous faites actuellement, que vous qui écoutez, vous ne pouvez pas voir pour l'instant, puisque c'est un spectacle en construction. Et vous aviez joué, et vous étiez venu faire la promo d'ailleurs l'année dernière, peu de temps après cet extrait qu'on vient d'entendre de Love Song, c'était pour Ophélie. Ophélie, oui. Qui était jouée à Lunéville, à la galerie des cris, des cris. Le cri des lumières. Le cri des lumières. Oui, d'accord, c'est pour ça que tu dis ça. J'étais parti ailleurs. Bon, oui, d'accord, effectivement, on a avec, en partenariat avec le cri des lumières, on a joué Ophélie, qui est un spectacle de 45 minutes, une performance, en fait, nue. Impromptu pour Galerie Nu, c'est le titre exact. Ophélie, voilà. Impromptu pour Galerie Nu. Donc il se trouve que on l'avait joué à la Galerie du Bailly en 2014 ou 2015, je sais plus, fin janvier 2014 ou 2015. Et le but du jeu, c'est de s'approprier une galerie d'exposition, de ne pas accrocher de tableau au mur et de vidéoprojeter des images au vidéoprojecteur, donc des images des images de au vidéoprojecteur, des images qui s'animent, et il y a Anne qui est une danseuse qui fait une performance donc aussi sur le nu, galerie nu, corps nu, et moi je l'habille avec mon moyen à moi, c'est-à-dire l'expression musicale. Voilà. Et les images qui étaient projetées sur le corps d'Anne, elles avaient été filmées par vous, par votre compagnie. Oui, alors la compagnie L'Aéronef, à la base, c'est une compagnie de... C'était un quatuor, donc danse, littérature avec Florent Kiefer, photographie avec Jean-Marc Viret, moi la musique, et donc la danse avec Anne Marion. Voilà. On revient au mélange des arts. Et la nudité, ça sera aussi un des thèmes du spectacle sur lequel vous travaillez actuellement? Oui, Oui, oui. En partie, oui. C'est un spectacle qui est en genèse, là, qui s'appelle S, l'infini debout. S, la lettre S. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, sauf que il y a la musique, un petit bout de la musique est prête. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées chorégraphiques et qu'on va rentrer en résidence au mois de septembre pour avancer sur ce spectacle. Donc toi, ton travail comme toujours. Mmh. Bon, cette fois-là, tu ne seras pas, tu ne bougeras pas ton corps. Non, je suis pas sur le plateau. Non, je suis pas sur le plateau. En dehors du plateau. Ouais, je jouerai des. En direct. Une partie en direct, une partie enregistrée, parce que je peux pas tout jouer en direct, parce qu'il y a des sons que je peux pas fabriquer comme ça, et voilà. Là, j'aurai une partie de jeu en direct et une partie enfin pré-enregistrée déjà, enfin sur playback. En fait, ce sera bande son et direct. Ce sera les deux. Voilà, mais je serai en régie technique, je serai pas sur le plateau. Sans trop en dévoiler, mais on peut le faire un petit peu, puisque Anne en avait parlé elle-même quand elle était venue ici il y a quelques mois, en début d'année. Pourquoi tu ne seras pas sur le plateau? C'est peut-être aussi parce qu'elle prend toute la place, Anne. Oui, parce que le principe, c'est qu'en fait, elle a une robe, elle est habillée d'une robe qui est capable de s'articuler, de se mouvoir, et sur laquelle il peut aussi y avoir des vidéoprojections. Et la robe, elle est immense. Elle prend toute la scène. Oui, oui, elle prend tout le plateau. Ouais. Elle prend tout le plateau. Il y a des infrastructures avec pour pouvoir l'articuler et pour pouvoir vidéo-projeter dessus les images d'Olivier Hertoum, qui est le scénographe, celui qui met en lumière et en scène le spectacle. Et effectivement, il n'y a pas la place sur le plateau pour mettre un musicien. Et donc, je serai en régie pour la musique de ce spectacle. Pour Ophélie... Un impromptu pour Galerie Nue, vous aviez projeté des images sur le corps d'Anne, et cette fois les projections auront lieu sur cette robe gigantesque. Oui, en plus de lumière plus traditionnelle, il y aura de la vidéo projection, du mapping, quelque sorte, pour habiller la robe, presque, pour habiller le costume. On parlait du château de Lunéville, cette création aura lieu juste à côté du château Jean-Nicolas, n'est-ce pas? Ça sera où? Oui, ce sera au Théâtre de la Méridienne en novembre 2018, là cette année. Ça va arriver mi-novembre 2018, mais je crois que vous trouverez les informations sur le site de la Méridienne. La Méridienne à Lunéville. Ce théâtre qui est aussi une association qui porte les spectacles proposés par le théâtre. Et là, cette compagnie, l'Aéronef, proposera cette toute nouvelle création S, l'infini debout, là-bas, mois de novembre. Alors pareil, je sais plus la date exacte, mais allez voir sur le site de la Méridienne et puis nous en reparlerons ici le moment venu, sans aucun doute. Et là aussi, Lucas, c'est du ping-pong ou du tennis comme incroyable, vous voulez. Incroyable. Je suis sûr que ça t'inspire le nu. Oui, évidemment. Évidemment. Évidemment. Tu sais quoi? Ce qu'on va faire, c'est que non, tu vas pas parler tout de suite. On va écouter une autre chanson parce que je pense qu'on a pas mal parlé et on va repasser à Delphine dans ton répertoire et puis on entendra encore la guitare de Jean-Nicolas puisque c'est toutes les versions que vous avez créées les deux. J'en profite pour dire que tout ce que vous entendrez là avec Delphine et Jean-Nicolas. Ça a été enregistré au studio Microclimat pour l'émission Tête de l'Art. Absolument. Et pour la petite histoire, c'était la première fois qu'on jouait en public pour Tête de l'Art. Et alors Delphine, pour la transition, moi j'aurais bien voulu que tu aies une chanson sur le nu, mais il y a pas. Il y a Ronde qui est sur le corps, mais qui est pas sur le nu. Ah, c'est vrai, je l'ai. Oui. Ce matin, j'ai jeté ma balance par la fenêtre. Ça m'a fait un de ces biens, essayer sali vers la tête. C'est vrai, diététiquement incorrect. Pas de taille sur des étiquettes. On est des femmes, pas de numéros. On ne se résume pas à nos kilos. Oh, oh. Y a un rayon pour femme et un rayon grande taille. Si je suis pas chez les femmes, alors je suis quoi? Un lama. 44, c'était la taille de Marilyn. Comme la moitié des filles du pays. Les rondes ne sont pas des ovnis, mais des filles super sexy. C'est vrai, diététiquement incorrect. Mais pas des tailles sur des étiquettes. On est des femmes, pas des numéros. On ne se résume pas à nos kilos. Oh, oh. D'autres s'échinent à faire des régimes. Je sors de l'abîme des magazines. J'en ai marre de ce traquenard, de ces connards qui ne jugent que par les apparences. Stop à l'intolérance ambiante. Je m'en balance de votre fiche, je suis balance. Et je pense que la jouissance a son importance. C'est diététiquement incorrect. On n'est pas des tailles sur des étiquettes. On est des femmes, pas des numéros. On ne se résume pas à nos kilos. Oh, oh. Par Delphine se défile et Jean-Nicolas Mathieu à la guitare. Ils sont là les deux dans l'émission hors format en direct en ce samedi 21 juillet 14h58 12 secondes. Il y a également Lucas Thiria, vitrailliste à Plombières-les-Bains. Et Lucas, on parlait de nudité juste avant, du corps, et c'est quelque chose qui t'intéresse. Qui m'intéresse, c'est à dire que oui, on a une exposition qui devient un petit rendez-vous maintenant. J'espère que l'année prochaine on sera à l'heure. On est un petit peu en retard en ce moment, mais bon. Mais oui, c'est vrai qu'Aéroticard est un petit rendez-vous qui commence à prendre un petit peu. Il y a déjà eu deux éditions. C'est toujours début d'année, février au moment de la Saint-Valentin. Ouais. Voilà. On ne va pas chercher les complications. C'est quoi l'idée, la genèse de ce projet? L'idée, c'est de faire venir du monde sur Plombières, de faire travailler des artistes et des artisans d'art, parce que le mélange doit se faire obligatoirement, c'est-à-dire qu'il doit y avoir artistes et artisans d'art, même si des fois la frontière n'est pas si importante que ça, mais enfin voilà quoi. Il faut faire travailler un peu tout le monde et montrer les possibilités des différentes techniques, quoi. Les artistes et artisans qui participent à cette exposition travaille sur ce thème spécialement pour elle. Oui, après il y a des gens qui sont déjà beaucoup plus spécialisés, qui ont déjà des œuvres sur ce thème-là. Après il y a des personnes, plus les artisans d'art travaillent particulièrement sur le thème, puisque en général c'est pas un thème courant quoi pour un artisan. Là on est le cul entre deux chaises entre les deux éditions. C'est-à-dire, je reste dans le thème. Hein. Ah, oui. C'est-à-dire, la deuxième est passée, vous l'avez compris. La deuxième est passée. La troisième arrivera en début d'année prochaine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur celle-là? Eh ben, que les inscriptions sont quasi ouvertes, qu'on va travailler plus sur l'artisanat, parce que la deuxième édition, il y avait beaucoup plus d'artistes. Mais après, voilà, on va essayer de développer tout ça. On va essayer de trouver des animations un petit peu autour. Des spectacles, pourquoi pas. Des choses, voilà, quoi. Ce qu'on voulait faire l'année dernière, mais bon, ça a été trop court. On est tout nouveau dans le truc, hein. Faut que ça se mette en place. Il faut qu'on gère tout ça. C'est pas toujours facile entre notre métier, c'est difficile. Mais, voilà, on voudrait étoffer un peu cette semaine, puisque ça se passe sur deux week-ends. Et donc, l'année prochaine, ce sera encore deux week-ends, plus le 14 février. Mais autrement, on va essayer quand même, au fur et à mesure, si ça continue et si ça progresse, on va essayer effectivement, entre ces deux week-ends, de remplir un peu la semaine avec des spectacles, avec de la lecture, avec de la musique, avec... enfin, voilà, quoi. Il y avait eu de la lecture la dernière. On avait eu la lecture qui a pas trop fonctionné, mais bon, voilà, c'est un début. Il y a que comme ça qu'on avance. Ça se met en place, voilà, on essaye. Et en voyant un petit peu comment ça fonctionne, s'il y a du retour. On avait eu un peu de musique également, puisque les Épinettes avaient musique locale. On avait pris la musique locale. Donc les Épinettes nous avaient fait quelques chansons un petit peu grivoises. Et la chorale, les Triolets aussi avaient chanté quelques chansons un peu plus. Voilà, c'était sympathique, quoi. C'est un bel effort de la chorale, puisque la chorale était en général plus basée sur des chants religieux et tout ça. Donc, mais bon, voilà, ils ont fait l'effort de faire des petites chansons un petit peu plus osées. Et ce qui est sympa, Lucas, si j'ai bien compris, c'est que ce n'est pas un club fermé. Tous ceux qui nous écoutent, qui sont artistes et qui ont envie de participer à cette exposition Érotiquart, peuvent te proposer à l'association, on va y venir, hein, parce que c'est une association maintenant qui porte le projet, ce n'était pas le cas lors de la première édition. Ouais. Vous proposez l'œuvre et puis après vous voyez, vous avez déjà refusé du monde? Pour l'instant non, parce qu'on n'a encore pas suffisamment de succès. J'espère que l'année-ci on va refuser du monde. Non, je déconne. Mais c'est un peu le but, quoi. C'est-à-dire que ça va être de prendre un petit peu d'ampleur, quoi. On est en pour parler avec la commune pour essayer d'avoir plus de place, parce que les salles, c'est pas toujours évident. Plombières est assez une petite ville, donc avec là on travaille vraiment avec deux salles principales. Plus une petite salle qui était la salle, je dirais, un peu plus chaude. Et après, on a d'autres salles qui vont, je pense, être possibles de récupérer, quoi. Voilà. Et ce n'est pas obligé que ça soit des artistes ou artisans de Plombières-les-Bains? Ah non. On essaye au maximum, on force pas, mais on essaye au maximum de faire participer les gens de Plombières, puisque c'est quand même un des buts premiers, c'est de faire travailler tout le monde ensemble, enfin, d'être tous autour d'un seul thème, quoi. Et de casser un petit peu les... Voilà. C'est toi qu'il faut joindre si on souhaite participer Oui, on peut, oui, bien sûr, oui, moi et Anne aussi, voilà. Je connais le numéro par cœur, avec un œil sur la feuille. 06 45 46 86 11, 06 45 46 86 11, et vous aurez Lucas au téléphone, vous verrez, voilà. Il est sympa comme tout. Si, il n'est pas au boulot, parce que vous l'avez compris, si vous écoutez cette émission depuis le début... Luco. Alors, tout à l'heure, c'était Johnny Hallyday que je faisais, juste avant de t'adorer. Non, je ne suis pas buré. Oui, vous savez, en plus, j'en perds mon fil maintenant. Oui, donc, voilà. Il y a un répondeur, il y a tout ce qu'il faut. Tu travailles en entreprise, façon. Tu as ta propre entreprise aussi, tu organises des manifestations et tu as créé une association, tu es président de la source des artistes, des artisans, tu vois, on en revient à l'ambiguïté, et finalement, à un moment, ça peut se mélanger. Les artisans d'art. La source des artisans d'art. Non, la source des artisans. La source des artisans, pardon. Ouais, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet asso? Est-ce que, et on va le voir, hein, en plus d'Érotiquart, je crois que vous préparez d'autres événements. Bah, l'association a pour but premier de réunir tout le monde, donc les 15 artistes et artisans de Plombières, de les réunir et de créer une sorte de mouvement, quoi. Hein, là, tout le monde a adhéré, ce qui était déjà très bien. Ça a pas été facile tout le temps. Et après, maintenant, ça va être de progresser. Nous sommes en train de faire un plan pour situer tout le monde, donc pour donner aux touristes plombinois, enfin qui viennent à Plombières, et ensuite plus loin, quoi, hein, pour voir un petit peu plus loin. Ensuite, il y a des choses qui sont en préparation, c'est des labels ville métier d'art, enfin etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se préparent. On fera pas tout cette année ni la prochaine, mais ça avance. C'est vraiment essayer de créer quelque chose qui fasse bouger un petit peu la ville, parce que bon, c'est pas évident, hein. il y a les termes qui font vivre la ville, il y a les commerçants, tout ça, mais il faudrait un petit plus, quoi, hein. Il y a les brocanteurs, mais voilà. On va essayer d'améliorer encore, de faire venir surtout dans nos futurs projets, ça va être beaucoup dans la transition des métiers, enfin, transmettre le métier. Donc il y a des projets qui sont vraiment pour l'instant que dans ma tête, mais qui vont, je pense, venir après. Enfin, on est plusieurs quand même à avoir les mêmes idées et de faire venir des jeunes, quoi, hein, parce que il y a pas de miracle, hein, c'est comme ça que ça marche. Et faire venir des jeunes, de faire des peut-être des ateliers de de démarrage, si on veut, pour ceux qui veulent essayer de démarrer les métiers, voilà. Tu parlais de brocanteur, je crois qu'il y a une manifestation très bientôt à Plombières-les-Bains. Eh ben c'était le week-end dernier. Ah, Lucas, on me la fait pas à moi. Dimanche 5 août, brocante vintage. Ah oui, mais ça c'est autre chose. Mais c'est quand même vous qui l'organisez. Ça c'est la sauce qui l'organise. Ah ben, on ça, est en plein dedans. C'est la sauce qui organise, effectivement. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite brocante vintage avec un vide atelier également. C'est-à-dire, bon, les artistes peuvent venir proposer leurs œuvres, etc. Ou même du matériel d'atelier. Hein. Et en plus, donc, il y aura des exposants qui proposent plus des objets vintage, que ce soit du mobilier, des disques, des choses comme ça. Enfin voilà. Quoi. Dimanche 5 août à Plombières-les-Bains. Où exactement? Alors, ce sera principalement autour de la mairie, donc pas très loin du clos. Autour de la mairie, avec, faut dire qu'en même temps, il y aura donc la brocante mensuelle de Plombières, qui se passe toujours le premier dimanche du mois. Et en même temps, pardon, en même temps, la fête des jardins, la fête des jardins terrasse. Donc numéro... ça va être un week-end très très chargé. Là encore un numéro de téléphone, mais c'est pas le tien cette fois, hein, pour les plus d'informations et les inscriptions. Pour ceux qui voudraient vendre, ouais. C'est le 06 31 23 23 96, 06 31 23 23 96. On parlait d'érotisme du corps, la femme est mise à l'honneur, pas que, mais notamment, et quelqu'un avec qui collabore, puisqu'on continue dans les collaborations, Jean-Nicolas, il s'agit d'Emmanuel Bémer qui a voulu aussi mettre la femme à l'honneur avec son projet « Je est une autre ». On va écouter un morceau tout de suite, et cette fois maintenant vous êtes incollable sur la guitare de Jean-Nicolas, vous allez la reconnaître direct, c'est sûr il n'y en a qu'une. Et oui, tu te demandes ce qu'on va entendre hein, maintenant cette fois, qu'est-ce que je vais encore sortir de ma besace? Bah tu vas écouter, et c'est un morceau, et ça me plaît qu'elle soit dans l'émission hors format, puisque c'est un morceau qui doit durer à peu près 6-7 minutes, c'est totalement hors format, ça s'appelle « Bouche bée ». Bien sûr tu es le sexe faible, le masculin l'emporte sur le féminin. Bien sûr tu n'es que terre glaise, tu n'as pas voix au chapitre point. Tu n'as pas voix au chapitre point. Tu es impure vénale calculatrice, à se demander si tu as une âme. Prisonnière de ta matrice, il ne fait pas bon être une femme. Dieu qu'il ne fait pas bon être une femme. Mais arrivé sur une place provençale et sentir le vent s'arrêter, chaque regard se fait soudain diagonal et converge vers ta traversée. Bouche bée. Tu sèmes le silence dans ton sillage, tu sèmes la pagaille dans chaque bouche. Il n'y en a que pour ton corsage, ton estafilade, leurs escarmouches. Il y a loin de la croupe aux lèvres, à l'heure bleue entre chienne et louve, il y a loin de leur coupe-coupe à ta gorge, il y a longtemps que le coq ne chante plus. Mais arrivé sur une place provençale et sentir le vent s'arrêter, chaque regard se fait soudain diagonal et converge vers ta traversée. Bouche bée. Il y a de la bruine sur les paupières, sur les lunettes de la buée, les persiennes des hommes sourds, les volets des autres femmes se ferment. Dans leurs sourcils, le paravent des bien-pensances, le garde-flou, le brise-larme, La pluie dessine des barreaux devant leurs yeux. Mais arriver sur une place provençale et sentir le vent s'arrêter, chaque regard se fait soudain diagonale et converge vers ta traversée. Bouche bée, tu es là, la divine offense, le coup de canif dans le contrat. Tu chantes dans chaque bouche, tu es la superbe inconvenance, l'insoumise. Tous les veilles sont pipés. Tes dictates et tous s'y plient sans se demander de quelle religion ils sont apostats. Dieu n'est qu'une idée, Dieu n'est qu'une idée, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, Dieu, oh, c'est toi, toi, toi, toi. Mais arrivé sur une place provençale et sentir le vent s'arrêter, chaque regard se fait soudain diagonale et converge vers ta traversée. Mais sentir sourdre en soi la vie, comme la marée déplace les dunes, au rythme antique des gris-gris. Si bien que même la lune, mais Amazon, Muse ou Vestal, les flammes et les guerres déclarées, donner sa vie pour une capitale, un décolleté vitesse grand V. Emmanuel Bemer et son projet Jeu et une autre, c'était le titre Bouche B, et il y avait Jean-Nicolas Mathieu, hein, ici présent, guitariste dans ce projet. Et c'est dommage que vous n'avez pas les images, hein, puisque c'est un clip. Vous pouvez d'ailleurs taper dans votre moteur de recherche Emmanuel Bemer. Emmanuel, vous saurez l'écrire, Bemer, B-E-M-E-R, et puis vous verrez, ben, notamment, il y a le site internet et la chaîne YouTube. Et comme c'est le cas d'ailleurs, j'en profite, hein, Delphine se défile ici, présente également. Et il y a une chaîne YouTube aussi où on peut voir, on parlait du studio Microclimat et de l'émission Tête de l'Art, on peut retrouver ce moment-là. Mais pour en rester à Emmanuel Bemer, on peut voir le titre, le clip, Bouche B, et les images. sont plutôt pas mal. Hein. On voit un Jean-Nicolas habillé ou en train de se vêtir de sa tenue de scène, même en train de se faire créer sa scène. Tu vas nous en parler, Jean-Nicolas. Ce projet, c'est quelque chose d'assez balèze, j'ai envie de dire. Hein. C'est, il y a beaucoup un message, etc. Et puis il y a des chorégraphies. Enfin, c'est un album plus un spectacle. Oui, mais après c'est aussi à la hauteur du sujet qui est traité, c'est-à-dire qu'on traite la condition de la femme, donc on peut pas parler de la condition de la femme en deux coups de cuillère à peau comme ça à la va-vite. Donc effectivement, c'est un projet qui a pas mal d'envergure et où on a travaillé la scénographie, les costumes, la musique, créé par Emmanuel Bémer, arrangé par Nicolas Arnoux. Donc là, moi, je suis interprète, même si j'ai amené une patte sonore ou quelques idées. Le gros du travail a été fait par Nicolas Arnoux et Emmanuel, avec Jean-Luc Déa à la basse et Laurence Bridard à la batterie, la femme du spectacle. Et donc, c'est un spectacle qui dure 1h45 à peu près, où Emmanuel dénoyaute un petit peu... ce qu'habituellement on fait, on rattache au côté culturel ou de la manière dont la femme se fait emprisonner en fait et victime de la société, d'une culture ou voilà. Et c'est vraiment un spectacle dont on ressort, je trouve, pour avoir travaillé dessus et avoir suivi la genèse, c'est un spectacle dont on ressort différent avant et après. Parce qu'on prend conscience des mécanismes dans lesquels sont plongées les femmes en France ou dans d'autres pays dans le monde, et aussi en France. Du coup, on a tendance à imaginer que c'est chez les autres, mais les femmes subissent aussi beaucoup de heurts en France, et on fait plutôt passer ça sous le coup de la culture, tout ça, mais... Enfin, il y a des problèmes aussi en France à régler, et le spectacle pointe du doigt tout ça. Et c'est un spectacle très très fin et très très intelligent et qui bouscule un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous dire sur ta tenue de scène ? Alors la tenue, c'est une tenue. En fait, on a travaillé sur l'androgynie. C'est une tenue qui a été élaborée à partir de la costumière Lucie Cunningham s'est inspirée de Jean-Paul Gaultier pour faire les tenues. Donc je suis coupé en deux dans le sens de la hauteur, avec une tenue plutôt tailleur, pantalon long sur la gauche, et la partie droite est quasi dénudée avec juste une espèce de toile sur moi où effectivement il y a certaines parties du corps qui sont apparentes. Mi-homme, mi-femme. Ouais. Mmh. Et c'est le cas aussi pour celle qui a la batterie, elle a... Un costume, vous l'avez tous ce costume ? Il y a dans chaque costume une dualité, ouais. Mmh. Dans chaque costume, alors après, elle est plus ou moins, elle est verticale, soit elle est horizontale. Mais effectivement, il y a dans le costume, il y a des choses qui sont masculines, des atours plutôt masculins, des atours plutôt féminins, voilà. Et dans la scénographie, est-ce qu'il y a des passages difficiles que tu as trouvé toi compliqués ? Il y a beaucoup. Je parlais de chorégraphie. Il y a beaucoup de pas, etc. à retenir des interprétations. Il y a une chorégraphie qui est un peu compliquée parce que elle fait marcher pas mal d'indépendance corporelle, justement en percussion corporelle et en voix, parce que on chante tous et on est tous en percussion corporelle. Donc là, il faut pas trop se planter, mais sinon le gros du travail théâtral est quand même plutôt axé sur le travail du chanteur, donc d'Emmanuel Bémer, qui lui tient le crachoir pendant 1h45 à 2h suivant ce qu'il a à dire, pour dénoncer, pour expliquer la condition de la femme. Ça vous a donné l'eau à la bouche, B. Eh bien, vous pourrez voir ce spectacle, notamment parce que il y a déjà eu pas mal de dates, et puis il y en aura d'autres. Et moi, j'ai retenu celle du samedi 29 septembre à 20h, salle Poirel à Nancy. Un joli spectacle dans une non moins exceptionnelle salle. Oui, dans le cadre d'un festival, visiblement, j'ai pas trop d'informations là-dessus, mais la date est validée, le 29 septembre 2018, à 20h, salle Poirel. On jouera Je est une autre, et c'est plutôt chouette à imaginer. Et des belles salles avec ce spectacle, vous en avez fait, notamment le Zèbre de Belleville à Paris. Oui, il y a eu le Zèbre de Belleville, il y a eu une belle salle aussi en Bourgogne. J'ai oublié le nom de la ville, mais bon, c'était une belle salle, je me souviens. Je peux vous la décrire, mais bon, ça n'avancera pas grand-chose. Hein. Il y avait des sièges, une scène, tout ça. Mais en sensation ? Non, c'était ouais, c'était un beau moment musical et avec le public. On a senti aussi les réactions du public par rapport à ce qui est dit sur scène, parce que ça c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que le sujet qui est traité fait aussi réagir les gens sur scène. On l'a fait aussi, on l'a joué à Saint-Jean d'Arc cette année à deux reprises, et c'est vrai que quand on le joue devant un public aussi de collégiens, de lycéens, on voit tout de suite les réactions, parce que le spectacle en fait parle aussi de la manière dont eux ils conçoivent leur rapport à la femme. Et il y a du boulot. Et vous pouvez aller encore une fois voir sur internet, vous tapez Emmanuel Bemmer et vous aurez aussi ces informations, et vous pourrez aussi vous procurer l'album ou aller voir un spectacle. Ça t'a parlé Lucas, ce thème la dualité, etc. Oui. La place de la femme, la condition féminine. Ah oui, tout à fait. C'est toujours des grandes questions, hein, toujours des façons, des rapports. On le voit dans Erotica, où l'approche est toujours un peu délicate, ou un peu, voilà quoi. Ça divise. Il y a toujours des questions autour de ça quand même. Est-ce que quand on travaille le vers, comme c'est ton cas, on peut faire passer des messages comme celui-ci, par exemple, être engagé? Engagé, oui. Après c'est moi, je propose, à la limite, c'est des images, hein, je propose un décor. Après, l'image, elle représente, ce qu'on veut représenter. La dernière expo d'Erotica, j'avais présenté des choses qui étaient plus personnelles. Donc, voilà. Après, on représente des choses, oui, forcément, par la peinture, par le verre, Et qu'est-ce qui t'inspire, du coup, en général, d'où viennent tes idées? Dans les œuvres personnelles, j'en ai pas des tonnes. C'est vrai que je fais beaucoup sur commande, donc après je fais travailler mon imagination pour réaliser des choses que les gens veulent. Donc après je présente, voilà. Mais c'est vrai que les œuvres personnelles, j'en fais encore pas de trop pour l'instant. C'est peut-être aussi un peu pour ça que je voulais lancer des expos Erotica, pour justement me motiver à faire des choses plus personnelles et plus artistiques, je dirais, parce que bon, ça reste un métier d'artisan d'art évidemment, mais voilà, c'est de l'artisanat quand même. Il y a des artistes justement il y a des artistes que t'aimes bien, tout domaine confondu. Oui. Il y a beaucoup de, j'ai beaucoup été inspiré, je reste toujours un petit peu inspiré par tout ce qui est japonais, quoi, beaucoup de choses japonaises. Je pourrais pas dire tous les noms parce que je suis pas trop de mémoire, et mais voilà, il y a beaucoup d'artistes japonais, ouais, que j'aime bien, et ces représentations, voilà. Et après il y a des choses qui se traduisent très bien en vers, c'est les matisses, des choses comme ça, quand sa période collage, c'était très ça, j'adore aussi, quoi, et ça rend très bien, enfin ça rend pas mal, quoi. Lucas, on arrive à leur sortir comme il faut. Ta matière, c'est le verre, VE2RE. La matière de Delphine, c'est le verre, VERS. N'est-ce pas, Delphine, la parole, les paroles de tes chansons? Quelle belle transition, c'est, bravo. C'est important, l'engagement, on en parlait avec Jean-Nicolas en ce qui concerne Emmanuel Bemmer. Est-ce que toi, dans tes paroles de chansons, tu es engagé également? Oui, en tout cas, le but, c'est de faire passer des messages. C'est sûr que pour moi, le texte est quelque chose de très important, et il était même plus que la musique avant l'arrivée de Jean-Nicolas. Maintenant, ça commence à s'équilibrer grâce à ses guitares. Oui, effectivement, le côté engagé, le fait de porter un message, c'est sans transformer la scène en tribune, mais c'est un lieu merveilleux pour ça. On a écouté Ronde tout à l'heure, ça c'en est une, de chansons qui par exemple faire passer des, ouais, bah des sur sens. La condition de la femme, justement, ouais. Effectivement, moi Ronde, c'était parti du fait de mon expérience personnelle, mais aussi du fait que j'avais vu par exemple que aux États-Unis, il y avait une femme qui avait été virée de son boulot, elle était serveuse parce qu'elle avait un peu grossi. Et puis bon, enfin en tant que femme, du coup, on se retrouve très régulièrement face à ces dictats. Et le refrain de Ronde qui commence par CV diététiquement incorrect, c'est parce que moi, à la base, je me destinais à une carrière de comédienne, et c'est ma corpulence qui a fait que plus d'une vingtaine ou une trentaine de professionnels m'ont dit bah tu joues bien, mais tu seras toujours cantonné à ton corps, quoi. Donc tu feras toujours des rôles de nourrice si tant est que tu seras au niveau des écoles de théâtre, ils sélectionnent aussi beaucoup en fonction du corps. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très féminin, parce que finalement, en tout cas là, je parle vraiment du théâtre, t'as deux fois plus de femmes que d'hommes dans le milieu du théâtre, alors que t'as autant d'hommes que de femmes qui sont recherchés. Donc du coup, ils sélectionnent en fonction du talent, de la malléabilité de la personne, enfin en tout cas de son jeu, et bien sûr de son corps. Ton parcours théâtral, quel est-il actuellement encore? Tu joues? Actuellement beaucoup moins parce que du coup suite à ça j'ai eu plus envie de pas être le pion sur l'échiquier d'un metteur en scène qui je parle du côté professionnel, hein, parce que bien sûr au niveau amateur c'est autre chose, mais du coup je me centre plus sur la musique et sur une autre façon d'interpréter sur scène, quoi, de faire venir du théâtre un peu sur scène et de pas simplement réciter les chansons, mais d'essayer de les vivre. Donne-nous des noms, Delphine. Quelles compagnies sont celles qui t'ont vu jouer pour elles? Par quelle compagnie es-tu passé? Oh ben plusieurs au niveau local, j'ai pas mal écumé, pas mal à Saint-Nabor, les Acharnés de l'Avant-Scène, les Nitroglycérim, là où j'avais commencé à chanter d'ailleurs, bien sûr les Jolis Mômes avec lesquels j'ai enregistré un CD, les Quais d'Allumés à Thiéfos, oh mince, enfin pas mal de troupes. Et la troupe de René Vincent Viry. Bah justement. C'est cherché à la Bresse. Alors pas à la Bresse, mais à l'époque René était c'était les Acharnés de l'Avant-Scène à Saint-Nabor, ouais. Ouais, tout à fait. Et non, je cherchais le nom de la dernière troupe locale dont j'ai fait partie, qui s'appelle, j'ai pas le nom, mais on jouait un spectacle sur la Voie Verte, qui s'appelait Voie Verte et Rouges et Moi, qui nous a emmenés d'ailleurs jusqu'en Bretagne, et du coup j'avais joué ça avec différentes personnes de différentes troupes de théâtre en fait du coin, et le but c'était de se rassembler autour de ce spectacle dans le cadre du Festival des Arts Mélangés à Saulsure, et on a poursuivi ça, on a joué à Quiberon, etc. Sinon j'ai fait partie de troupes à Strasbourg aussi, j'ai eu le plaisir de jouer avec pour Armand Gatti, qui est pour le coup lui basé à Paris, à Montreuil, enfin qui était basé à Montreuil parce qu'il est décédé il y a quelques années, et c'était une expérience hallucinante, quoi, vraiment. Et ces expériences te servent forcément sur scène? Vous pourrez vous en rendre compte, par exemple, hein, au hasard, ce jeudi 26 juillet à 20h au jardin en terrasse de Plombières-les-Bains, théâtre de verdure. Mais ne t'inquiète pas, tu penses qu'il va pleuvoir, mais il y aura l'abri à la halle des jardins s'il fait mauvais. Et puis il y aura de quoi se nourrir, il y aura de quoi aussi s'hydrater, c'est important l'été. Et tout ça, je rappelle, jeudi 26 juillet, bah c'est bientôt, hein, c'est dans 5 jours. D'ailleurs, Plombières-les-Bains, on en profite, hein. Il y a l'atelier de Lucas Thiria, juste en dessous des jardins en terrasse, au Clos des Deux Augustins, rue du Griot, hein, toujours. Un superbe endroit. Et Delphine, en plus, maintenant qu'il y a Jean-Nicolas avec toi à la guitare, en plus de créer avec sa guitare, de donner des couleurs comme un peintre le ferait avec, lui, il utilise sa guitare comme un peintre fait avec son pinceau. Hein, exactement. Il propose plein de couleurs. Ah, ça te permet aussi d'être libre pour l'interprétation. Tout à fait. Et en plus, tes morceaux, hein, tes chansons s'y prêtent beaucoup à l'interprétation. Et il y a de l'énergie, vous l'avez compris, hein, Delphine se défile, et Jean-Nicolas Mathieu sur scène, c'est de l'énergie, mais c'est aussi beaucoup d'émotion sur certaines chansons. Il y en a par exemple deux qui me viennent en tête, hein, il y a On ira voir la mer, il y a Sous terre. Laquelle des deux on écoute tout de suite? C'est toi qui choisis. Est-ce que Lucas, ça te dit quelque chose? Est-ce que tu es plus mer ou terre? J'aime bien la mer, je la vois pas souvent. Allez, mais... allons-y. C'est les vacances. J'ai mon slip de bain en plus, juste en dessous là. Se jeter à l'eau, on ira voir la mer. Se jeter à l'eau, on ira. Delphine se défile et Jean-Nicolas Mathieu à la guitare, on ira voir la mer. Delphine, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ce morceau? L'origine. Oui, bah écoute... Après, t'es pas obligé, c'est vrai que ça, c'est toujours récurrent à un artiste. Y a certains qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'expliquer leur chanson, tout est dedans. Que après, c'est l'interprétation de chaque auditeur. Oui, voilà. Non, mais bah, l'origine, c'est un voyage vers la partie de la mer qui est le plus proche des Vosges. Donc, avec une copine, on a cherché quelle était la mer ou l'océan le plus proche. Et il s'avère que si vous souhaitez aller à la mer le plus vite possible en partant de Remiremont, il vous faut aller en baie de Somme. Et du coup, on s'est fait un aller-retour en baie de Somme une journée, en fait. On a roulé toute la nuit, on a dormi face à la mer, on a bu un café, on allait se promener un peu près des vagues et puis on est revenu. Et ce titre est issu de cette expérience-là. Alors t'as vu Lucas, hein, Delphine elle fait pas les choses à moitié, c'est qu'elle ne fait pas qu'écrire des chansons, elle les teste. Ouais, ou alors elle... Oui, tu testes, hein, on s'aperçoit que les chansons c'est du concret quoi, ce ne sont pas que des paroles, c'est... Là, en l'occurrence, t'y es allé vraiment. Ah oui, tout à fait. Je te demandais ce que je disais. Oui, j'avais pas compris. Il y aura peut-être d'autres morceaux tout à l'heure. On se demandera si on pourra te poser la question si t'as testé ou pas. Jean-Nicolas, on a compris l'importance de la musique, de la voix et les paroles. Alors, certains projets que tu portes pour, qu'on a vu avec Emmanuel tout à l'heure, Bémer, le propos est important pour toi. Tu attaches ça, c'est-à-dire que pour les collaborations, tu vas aussi faire attention aux propos de ceux pour qui tu travailleras. Oui, mais c'est pas ce qui guide forcément c'est pas ce qui va guider forcément la création, parce qu'en fait, dans la création musicale, les paroles disent déjà quelque chose. Si la musique va dans le même sens, il n'y a pas forcément d'intérêt de toujours aller dans le sens des paroles. Voilà, par exemple, avec Amélie Armao dont tu parlais tout à l'heure, en 2014, là, j'ai vu un souvenir sur Facebook, en 2014, j'avais recréé la musique de la Marseillaise. C'est-à-dire que j'avais pris la Marseillaise et on avait convoqué pour 3 répétitions une cinquantaine de choristes amateurs, donc qui allaient de 80, enfin de je sais plus, le plus jeune devait avoir 5-6 ans, jusqu'à 70, 75 ans, je crois, la plus âgée ou la plus âgée. Il y avait 50 choristes et le but du jeu, c'était de faire chanter à ces gens-là la Marseillaise, mais pas la version officielle. Et là, je m'étais rapproché du sens des paroles, puisque le sens des paroles m'a aidé à amener la musique ailleurs que ce que qu'on connaît déjà. Voilà, donc là, je fais attention aux paroles, mais il y a des fois, je fais pas attention aux paroles. Dans le cas de Delphine, ce défi, je fais pas attention aux paroles parce que elle porte son message. Delphine porte son message avec ses paroles. Moi, je vais essayer de véhiculer plutôt une énergie, une dynamique, pour essayer de donner de la dynamique aux paroles. Voilà, je travaille surtout sur des notions de dynamique que sur des notions de sens. À propos, petite parenthèse, mais pour aller dans le sens de ce que tu dis, j'en reviens toujours à Téléphone ou Les Insupportables. Il y avait, je l'expliquais tout à l'heure, qu'on est au Stade de France, et il y avait un reportage aussi qui les suivait dans leur tournée de reformation. Et il y avait, je sais plus si c'était Aubert ou Bertignac, qui parlait de la façon de jouer de Richard, alors je sais jamais si on dit Kolinka ou Kolinka, le batteur, et qui, lui, accentue, selon un mot qui lui paraît important, lui donne justement, comme tu le disais, une énergie ou un sens. Il va appuyer un mot avec telle ou telle ambiance, selon ce que le mot lui fera, lui donnera comme sensation. Ouais, ça peut être ça. Il y a différentes entrées, elles sont propres à chacun. Il y a pas de. Alors ça, c'est intéressant de connaître l'avis de Kolinka là-dessus parce que bah lui, c'est Richard Kolinka. Moi, par expérience, pour avoir croisé ma discipline avec d'autres, je préfère fonctionner à l'énergie parce que des fois, quand on est en performance, on doit répondre plutôt à une énergie qu'à un sens. C'est-à-dire quand on fait des performances avec Anne, l'énergie qu'elle me donne va me servir à ce que je lui renvoie quelque chose. On travaille pas toujours sur le sens, voilà. Et puis à un moment donné, la question de rythme, c'est pour moi c'est quelque chose qui prime sur le sens. la manière dont on agence un rythme, dont le temps fonctionne en musique, va faire qu'une musique est chiante ou intéressante. Voilà, le sens pour moi est plus secondaire. Quoi qu'il en soit, tu es dans l'échange, en tout cas. Ça, c'est sûr. Que ça soit avec une danseuse comme Anne, que ça soit avec une chanteuse interprète comme Delphine, c'est... Ah bah oui, c'est mon essence, quoi. C'est mon gasoil. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, c'est difficile de jouer. C'est difficile de jouer parce que l'énergie qu'elle me renvoie va servir à ce que je capte. Je la capte et j'en fais quelque chose et je leur renvoie à ma façon, où il y a eu aussi une écoute pour voir quand est-ce qu'une personne est fragile. Je parle dans la musique, pour pouvoir la soutenir, pour pouvoir l'épauler, pour pouvoir lui redonner du jus. Enfin, c'est aussi une question quand on est sur scène. On doit être solidaire, quoi. On doit pas abandonner l'autre. On doit pas s'écouter soi. On doit écouter l'autre pour. On est des hussards, quoi. Faut y aller. Faut faire passer un bon moment aux gens. Il faut que ça marche. Il faut que ça, la musique décolle. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et mon paramètre à moi pour travailler ça, c'est de travailler sur le rythme, sur l'écoute, et pas forcément toujours sur le sens. Quand on est dans le public, on ne se rend pas forcément compte. Ouais. Quand on écoute une même chanson, par exemple, on a l'impression, enfin, pas que c'est tout le temps la même, mais on voit pas des différences. Alors que vous, en tant que musicien, selon vos humeurs, etc., le même morceau peut être très différent. Bah ouais, mais c'est ça en fait notre travail à nous. C'est pas forcément d'enregistrer, c'est de choper l'énergie et de la restituer aux gens et de la faire sentir. À ce moment-là, il faut se débarrasser de pas mal de, faut se débarrasser déjà de son ego, des merdiers qu'on peut avoir dans la tête à ce moment-là. C'est puis être à 100% à ce qu'on fait parce que bah enfin après nous, on fait pas encore des zéniths ou des choses comme ça, mais quand on commence comme Chaka Ponk à jouer sur des grosses scènes, on peut pas trop se tromper, quoi. On doit avoir, à un moment donné, on doit être honnête avec ce qu'on fait, parce que sinon ça marche pas. Mais il y a beaucoup d'artistes qui disent que, bah oui, ça arrive d'être moins bon un soir, mais que finalement ce qui compte c'est d'être honnête, et à partir du moment où on donne le meilleur, alors ça peut paraître cucu, hein, mais qu'on donne le meilleur de ce qu'on peut donner à un moment donné, on est honnête, et que ma foi, bah même si c'est moins bon, et puis on est encore dans l'énergie finalement, si c'est, on ressent une sincérité, il y a le droit aux erreurs. Bah il y a le droit aux erreurs, mais la pire erreur, ce serait de pas la pire erreur dans un métier artistique ou dans la musique, c'est de pas être capable de se laisser porter par l'énergie qui vient. Et pour ça, il faut être disponible. C'est-à-dire que si on est trop embrumé dans ce qu'on est soi ou dans son quotidien ou tout ce que finalement les gens portent au quotidien, et ben c'est là où c'est difficile de jouer parce que pour il faut donner de l'énergie, il faut être capable d'en recevoir, d'en donner et que ça fasse un va-et-vient. C'est ce qui fait qu'aussi chaque concert est différent. C'est tout l'intérêt du live, contrairement à un CD que tu vas mettre et ce sera toujours la même chose, alors que là chaque concert finalement est différent, mais tous les arts de la scène sont dans le même cas. Mais dans le cadre de justement cette collaboration avec Jean-Nicolas, moi je l'ai beaucoup senti aussi, et c'est hyper intéressant vis-à-vis de ça aussi, dans le sens où le fait d'être à deux sur scène, on est à deux face au public et pas seul, ce qui change tout. Et du coup, il y a une forme de triangulation qui se met en place, dans le sens où il y a notre écoute à tous les deux, il y a aussi l'écoute de la salle qui va pas être la même suivant que tu joues dans un bar bondé qui va avoir envie de boire des bières avec des gens qui ont envie de boire des bières, ou alors une salle assise, etc. Donc du coup, il y a vraiment non seulement l'énergie qu'on s'apporte mutuellement, mais aussi l'énergie que nous envoie le public, et les réactions et l'écoute et l'attention du public finalement. Et pour une que ce soit pour mes propres chansons, on avait travaillé aussi sur une reprise, c'était fou, parce que moi on avait travaillé chacun de son côté à la base. Moi la voix, et Jean-Nicolas au niveau de la guitare, et quand on a travaillé ensemble, moi mon interprétation a complètement changé, complètement, parce que justement, ben ce que m'apportait Jean-Nicolas dans sa façon d'interpréter à la guitare faisait que ben en ping-pong ça se répondait, et du coup ça changeait tout, quoi. C'était la reprise de Ferré. Non, c'était pas la reprise de Ferré, mais sur Ferré, il y a eu ce travail-là aussi, bien sûr. Magnifique, hein, reprise. je reviens à celle de Ferré. C'est laquelle dont tu parlais là? Je parlais d'I Put a Spell on You, la version de Joe Cocker, mais Ferré en plus, c'est un super souvenir dans le sens où en plus on l'a travaillé dans le but de la jouer pour Radio Gémozo quand on avait chanté à Saint-Étienne, parce que Ferré était venu dans la même salle quelques années plus tôt. Et du coup, on a voulu reprendre une chanson de Ferré et du coup, on est tombé d'accord sur La Solitude. Lucas, toi qui es stéphanois d'origine, est-ce que tu te souviens? Moi, des fois, j'ai l'impression que c'est un mythe. Tout le monde me dit ça, mais est-ce qu'il est vraiment venu à la salle polyvalente de Saint-Étienne, Ferré? Ah, je peux confirmer, j'étais là. et c'était pas peu de temps avant sa mort. C'était vers la fin de sa carrière. Ouais, c'était la fin de carrière. Ouais. Décembre 89. En décembre 89, en fait, il est passé. On a vu les papiers. On a été voir les papiers en mairie pour voir, et on nous a montré le contrat et tout. Enfin, c'était super, super émouvant. Et il est passé. De mémoire, je crois que c'est décembre 89. Et t'en gardes un bon souvenir, Lucas? Ouais. Découverte un petit peu parce que je connaissais pas trop le répertoire et c'était les amis qui m'avaient parlé de ça, quoi. C'est vrai que c'était assez impressionnant. Et c'est pas n'importe quel morceau que vous reprenez, Delphine et Jean-Nicolas de Léo Ferré. C'est quoi? La Solitude. Est-ce que vous le jouerez jeudi à Plombières-les-Bains au jardin en terrasse? Oui, il est au programme. En introduction? Je sais que ça fonctionnait bien quand vous aviez joué ici à Saint-Étienne. Non, parce qu'on a remanié la setlist, on l'a agencée différemment, donc ce sera pas en introduction, mais elle sera dans le set. Tout à l'heure, nous sommes allés voir la mer grâce à Delphine et Jean-Nicolas. Qui dit mer dit petit cocktail. Qu'est-ce que vous diriez d'un mojito supplément amour version Delphine se défile? Dans la peau, dans les eaux, dans ma dynamo, un sentiment tout le temps. Je l'ai su dès que je t'ai vu, que je l'aurais dans le cul. Était plutôt pas mal, pas aussi beau que ton visage sur lequel j'ai souvent fait naufrage. Des airs de petit garçon, des cheveux noirs charbon, une encre derrière l'oreille et un tout petit Marcel. Ouais, j'étais dans la peau, dans les eaux, dans ma dynamo, un sentiment tout le temps. J'ai su dès que je t'ai vu, que je l'aurais dans le cul. Moi et mon cœur d'artichaut, on est tombé dans le panneau. Je l'ai crié sur tous les toits que je n'aimais que toi. J'aurais pu te chanter, y'a trop de gens qui t'aiment. Nya, nya, nya, nya, nya, nya. Heureusement, je m'appelle pas Hélène. J'étais dans la peau, dans les eaux, dans ma dynamo, un sentiment tout le temps. Je l'ai su dès que je t'ai vu, que je l'aurais dans le cul. Un jour sans toi, c'était un jour manqué. J'étais prête à tout quitter. J'ai brûlé mes vaisseaux pour ne pas prendre l'eau. L'amour, c'est comme un mojito. D'abord, il y a de l'eau. On vit d'amour et de bulles comme des somnambules. Puis à la menthe et le citron, là c'est l'explosion, le rhum, la glace pilée, ouais, ça, c'est pour oublier. J'étais dans la peau, dans les os, dans ma dynamo, un sentiment tout le temps. Je l'ai su dès que je t'ai vu. Je l'ai su. Delphine se défile, l'amour Mojito enregistré au studio Microclimat d'Épinal. Et puis, bah, c'était dans le cadre de l'émission Tête de l'art pour Vosges Télévisions. Vous pouvez la retrouver, cette émission, notamment sur la chaîne YouTube de Delphine se défile. Vous tapez Delphine se défile dans le moteur de recherche. Et en plus d'être sur la chaîne YouTube, il y a la page Facebook, hein, toujours aussi. D'ailleurs, il y en a deux. Il y a Delphine Didier, alias Delphine se défile. Il y a Delphine se défile. Enfin, elle est partout. Hein. Ah, c'est viral, hein. Et l'amour Mojito, pourquoi ce titre? Tu le dis jamais? Et c'est pas le refrain? Ah oui, oui, si je te mets pas le micro. Pourquoi ce titre? Parce que j'étais tombée amoureuse de quelqu'un qui fabriquait très bien les mojitos. Donc du coup c'était la suite logique. En tout cas, on en revient aussi aux paroles. On peut écrire une chanson sans que le titre soit évoqué dans le morceau. Ah, je veux dire, tu le dis jamais. En fait, il est pas dans le refrain. Je le dis seulement à la fin. L'amour, c'est comme un mojito, mais sinon, non, effectivement. Bon, je crois que cette émission hors format, le principe, c'est qu'on sait le début. Enfin, on connaît l'heure du début plutôt, 14h. On connaît pas l'heure de fin. Mais des fois, durant l'émission, j'ai le droit de congédier des invités si je trouve qu'ils n'ont pas été à mon goût. Par exemple, ce mojito, je sais pas s'il manquait un peu de menthe ou en tout cas Delphine. Moi, j'ai pas trouvé excellent, donc je vais te demander de quitter ce studio. Ah bah super. Merci pour l'accueil, Radio Gamozo. Non, on peut dire que tu dois t'en aller. Oui, je dois m'en aller. Avec regret, mais je dois m'en aller. Mais en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir ici, et puis on va continuer. Jean-Nicolas, en digne représentant de l'entité Delphine se défile, est là toujours. Il ne quitte pas cette chaise. Je l'ai attaché, hein, d'ailleurs. Oui, je suis sûr qu'il ne partira pas. On te dit à bientôt. Avec grand plaisir. Notamment en concert, hein, on va leur dire. Hein, mais en plus de celui de Plombières-les-Bains, il y a Remiremont, toi qui nous écoutes, qui est du coin, et qui peut pas forcément bouger jeudi au jardin en terrasse de Plombières. Remiremont le 25 août, qui est un samedi à 20h, place de l'Abbaye. C'est gratos. Il y aura peut-être pas de mojito, mais il y a des transats. Hein, pour le, je sais pas si vous êtes déjà allé au festival Un Air d'été, mais il y a des transats. Salut Delphine. C'est de confort. Salut. À plus. À plus. Par rapport aux collaborations, Lucas, il y en a une que t'as pas évoquée, moi qui m'a assez bluffé en allant voir sur la page Facebook Les Vitraux du Diable Vert. Et oui, puisque c'est le nom de l'entreprise de Lucas, ouais. Son artisanat. Il y a, alors peut-être que je vais mal le prononcer, hein, une collaboration avec Dag. Ah oui, exact. Dag Asdam. Ouais. Moi, je vais te dire ce que j'ai vu, et toi, si tu le veux, tu développeras là-dessus. C'est un... Alors, jusque-là, tout va bien. Un jeu que vous connaissez tous, le Morpion. Le Morpion, ouais. En vert. C'est-à-dire qu'il y a des pions, et que je trouve magnifiques. C'est pas toi qui les as fait, justement, c'est Dag. Il y a des moutons et des bergers. Ouais. Et toi, tu as fait le plateau de ce jeu du Morpion. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la collaboration? C'est une rencontre, hein, Dag et de... m'a monté son atelier maintenant au Girmont Val-d'Ajol, donc qui est pas très loin, et il était un petit peu habitué de Plombières puisqu'il a il a travaillé un petit peu avec Eddy Légu qui était à l'époque à Plombières, et voilà quoi, et donc c'est un effet de rencontre, on s'est retrouvé. C'est une commande, il m'a proposé cette commande, et il y en a d'autres qui sont en cours, là, d'autres défis. Avec lui? Avec lui, ouais. Donc, lui, sa matière, c'est aussi le verre, mais il la travaille différemment, puisque c'est au chalumeau. Il travaille à la flamme, ouais. On en profite, hein, puisque je parlais du festival Un Air d'été, au moment où nous parlons, d'ailleurs, je sais pas si oui, c'est fini ou pas. Oui, il y a une démonstration d'Eddy Légu, donc le verre au chalumeau également, place de l'Abbaye, Et puis, je sais plus, à 17h, il y a autre chose, ça y est, j'ai oublié ce que c'était. Ce soir, c'est un concert de Kétal. En tout cas, allez du côté de l'abbaye Armiremont et vous verrez. Et puis, ce que je voulais signifier, hein, c'est que si Eddy Légu est là-bas en ce moment, c'est aussi pour promouvoir ce qu'il y aura à partir de vendredi, hein, le Festival International de Verre au Chalumeau. Le Flammeuf. Ouais, c'est au Palais des Congrès d'Armiremont. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi d'autres collaborations qu'on n'aurait pas évoquées avec d'autres artistes, d'autres matières qui t'ont plu et ou qui sont peut-être à venir? Non, bah, le bronze, moi j'avais bien aimé travailler avec Innocent. Il y a encore une pièce qui traîne un petit peu dans le fond de tiroir, qui est toujours là, qui doit se faire. Pareil, toujours sur une base de luminaire, quoi. Et bon, bah voilà, c'est en cours. Le bronze, c'est intéressant à travailler. Enfin, à travailler avec, quoi, je veux dire, faire le mélange entre verre et bronze. Et là, non, je vais travailler sur des mélanges de béton. Là, je vais faire une dalle de verre, là, prochainement. Une dalle de verre, donc c'est béton et verre. Est-ce que tu sens l'évolution dont je parlais tout à l'heure, ou est-ce que je n'ai dit que des bêtises? Ah, c'est-à-dire du début uniquement vitraux et puis maintenant objets d'art de plus en plus. Ah oui, non, mais c'est clair que oui, je m'oriente plus sur des choses comme ça. Je dirais presque par défaut, parce que le problème, c'est que voilà, quand on travaille pas à temps complet sur un métier comme ça, c'est très difficile à gérer et les commandes sont difficiles à accepter et à réaliser, quoi. Quand on a des grosses commandes, voilà, je préfère refuser puisque le temps qui m'est disponible n'est pas suffisant pour voilà, quoi. C'est toujours délicat, quoi. Donc je me suis un peu plus dirigé sur des choses comme ça et ça me plaît bien. J'espère que ça va continuer. Et puis bon, après voilà, quoi. J'aime bien trouver des points communs entre mes invités et il y en a un à tous deux, Jean-Nicolas Mathieu, guitariste, musicien, chanteur, chef de chœur, entre autres, et Lucas, vitrailliste, ben c'est la transmission. Tous les deux, votre savoir-faire, vous proposez à d'autres de l'acquérir. N'est-ce pas? Plouf, plouf, ça sort à toi, Jean-Nicolas. De quelle manière? Moi, déjà, j'ai bossé dans l'éducation nationale pendant près de 12 ans, donc à un moment, la transmission, c'était avec ça que je gagnais ma vie, et c'est un domaine qui permet de prendre du recul sur sa pratique. Et c'était quoi, tu faisais? J'étais prof dans l'éducation nationale de musique. Prof de musique. Ouais. Et cette transmission là est toujours d'actualité parce que j'ai de nombreux ateliers avec des collégiens, des lycéens. J'ai animé des NAP ici. C'est comme ça que j'ai rencontré Delphine. J'ai animé des NAP. Voilà, vous faites la rencontre. Depuis le début, je disais la rencontre, puis je vous l'avais pas demandé, mais maintenant vous le savez. Ouais, voilà, c'était au NAP à Saint-Étienne. Elle avait un atelier de théâtre musique. Moi, je faisais des ateliers musicaux, et puis on s'est rencontrés en fin d'année. On a discuté, puis on a joué ensemble. Voilà, mais c'est vrai que la transmission est jamais trop loin parce que ça va avec la pratique. Ça va avec la pratique, c'est tout. Et puis c'est une manière de, c'est comme quand on se présente sur scène, essayer de peut-être de fédérer les gens. Et ben là, ça permet de fédérer d'une autre manière des personnes. Voilà, des jeunes, des moins jeunes. La chorale, c'est pareil. En fait, mon rôle de chef de chœur, c'est pas forcément chef de chœur, c'est de faire quelque chose ensemble. Faire un truc ensemble. Alors quand je suis sur scène avec Delphine, bah c'est qu'on soit là ensemble. Quand je suis voilà, c'est toujours dans le côté on fait un truc mais on le fait ensemble en gardant dans la même direction. Enfin en essayant d'aller dans la même direction de construire ensemble. Et l'ouverture, hein, l'importance pour toi toujours, on parle du côté pluridisciplinaire très souvent. C'est ce qui te plaît? Bah oui, parce que moi je suis pas plus je progresse dans ma pratique musicale, plus je côtoie de gens, plus je m'aperçois que finalement je suis spécialiste de pas grand chose. Je suis pas jazzman, mais j'en porte un petit peu. Je suis pas bluesman, j'en porte un peu. Je suis pas un rocker complètement. J'ai pas de diplôme de chef de chœur, même si j'ai une formation pour ça. Il y a plein de choses que j'ai pas, mais par contre j'ai l'interdisciplinarité, enfin l'éventail de pouvoir prendre en charge un groupe, de les faire chanter, faire de la guitare, faire des enregistrements, faire des choses comme ça. Et c'est tout finalement C'est tout ce panel de compétences-là qui fait qu'à un moment donné, j'arrive à faire de la musique et à m'exprimer avec la musique. Voilà, parce que mon parcours est comme ça et que peut-être aussi je suis comme ça, je sais pas, mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe pour l'instant. Donc, tu fais pas d'album solo, tu fais pas de... Bah justement, alors c'est une bonne question, mais je me lance là depuis cette année. J'ai fait un projet solo où je suis tout seul avec mes guitares, avec mes loopers et tout ça, et là je fais vraiment la musique que j'ai envie d'entendre en ce moment. Donc ouais, là c'est un nouveau pas en avant encore. Mmh. Arriver à faire un projet à soi, ne plus forcément répondre à une commande, mais que la commande vienne de celui qui fait la musique, quoi. Ouais. Oui, un projet solo. Lucas, j'ai inséré la galette dans le lecteur, mais je sais pas si je vais appuyer sur play. On verra bien. En attendant. Mais non, parce que Jean-Nicolas m'a amené CD gentiment. C'est une démo pour l'instant. C'est une maquette. C'est pas. Bah, c'est une maquette pour faire entendre aussi quel est l'univers que je produis avec ma guitare. Dans le but aussi d'être programmé, d'être aussi de pouvoir jouer, parce que le but c'est ça, c'est qu'elle soit pas gardée à la maison. Ouais. Le but c'est de jouer. Donc à un moment donné, comme j'ai dit, je sais pas si la musique que je fais c'est du jazz, du blues, du rock, du machin, mais il faut avoir une carte de visite en quelque sorte. Donc la carte de visite, j'ai enregistré une petite démo là qui dure 8 minutes 30 et voilà, et puis c'est à toi Mika de la diffuser ou pas. Mais bien sûr que je vais la diffuser dans hors format si un morceau de 8 minutes et quelques n'a pas sa place, et puis surtout un morceau de quelqu'un qui vient d'expliquer ce qu'exactement me plaît. Et Lucas, c'est avant qu'on écoute, c'est intéressant, toi ça t'évoque rien ce qu'a dit Jean-Nicolas? On en revient toujours à cette idée que on est dans une société qui voudrait qu'on soit avec des étiquettes ou être rangé dans des tiroirs, alors qu'on est tous multiples et on est tous la somme de plein de choses et on n'a pas à être identifié tel ou tel. Oui, mais enfin après, ça c'est, faut pas trop écouter ces choses là moi je m'en fous un peu, moi je fais ce que j'ai envie, et puis voilà, quoi. Aussi, ouais. C'est ça, on en revient toujours au côté exutoire, et mettre, que ça soit en son, que ça soit toi, via le verre, selon chacun, ça sera une matière différente, mais mettre ce qu'on ressent à l'intérieur, le matérialiser d'une manière ou d'une autre. Et la légitimité, parce que c'est à ça aussi que me faisait penser ce que disait Jean-Nicolas. Toi, ça c'est une question, je pense que tout le monde s'est déjà posé, est-ce que je suis légitime dans mon domaine ou non. Toi, t'aurais pu aussi penser l'inverse, puisque tu sais pas, tu y es mis tard, au vert, tu l'expliquais tout à l'heure. Quel est toi ton regard là-dessus, sur la légitimité ou non? Tu te poses la question ou pas? Moi, forcément, il y a un moment donné, on se demande si ce qu'on fait est... Voilà, quoi. Mais après, bon... Moi, je fais, voilà. Après, je vois qu'il y a des gens qui sont contents de voir ce que je fais. Il y a des gens qui achètent de temps en temps. Donc, c'est déjà aussi qui... Voilà. Bon, après, ça veut dire que bah, ça sert à quelque chose. Ça, voilà, on est quand même là pour... on partage. Enfin, voilà. Et puis, toujours la richesse des collaborations. On l'a dit, hein, tout ce que tu as proposé, que ce soit le trophée du City Run ou toutes les autres... on a évoqué un... Non, mais ça, voilà, faut pas, moi, je me pose pas des tonnes de questions, quoi. Sinon, on n'avance plus, si on commence. J'y vais, puis voilà, puis après, c'est sûr qu'il y a des moments de doute ou de, tu te dis, mais bon, c'est vrai que j'ai peut-être pas trop, je sais pas si je suis capable de faire des belles choses ou des choses comme ça. Puis bon, à un moment donné, il y a des gens qui apprécient quand même. Et puis, voilà. Vous allez voir. On poursuit, on avance. Donc. Vous allez voir s'il ne fait pas des belles choses, Lucas. Allez sur la page, les vitraux du Diable Vert. Et je pense que vous allez être surpris. Moi, je le disais, il y a beaucoup, notamment d'objets qui m'ont surpris, qui m'ont bluffé, que je trouvais magnifiques. Lucas Thiria, les vitraux du Diable Vert, et vous pouvez aller visiter son atelier. Il faut déjà téléphoner avant, parce que c'est pas sûr qu'il y soit, puisqu'il mène de front son travail en entreprise et son artisanat. C'est 4 rue Griot à Plombières-les-Bains. Le numéro de téléphone est le suivant. Aussi, si vous avez envie de lui passer une commande, n'hésitez pas. Discuter avec lui. Faut pas être trop pressé. L'art ou l'artisanat, c'est ça. C'est pas une histoire de temps. C'est souvent, il faut trouver les gens viennent avec un sujet, et à ce moment-là, on travaille sur un sujet, soit ils viennent avec rien, après on discute, on en raconte, on fait des projets, et voilà, puis ça avance, quoi, hein. C'est pas fixe d'un seul coup, quoi. Hein, là, j'ai des projets qui sont finalisés, là, je sais plus qu'à réaliser, mais c'est vrai que c'était des discussions, savoir ce que les gens voulaient, etc. Après, on propose une chose, après, je repense à d'autres choses, et ainsi de suite, on avance. Voilà, c'est... Ça prend du temps. Le numéro de téléphone de Lucas est le suivant, 06 45 46 86 11, 06 45 46 86 11. La difficulté que vous rencontrez peut-être tous les deux, c'est justement, ben, on en revient à la course au temps, puisque vous avez chacun beaucoup d'activités. Toi, ben, Lucas, on l'a dit, hein, de devoir mener de front ces deux travails. Et puis toi, ben, avec toutes tes collaborations, et puis maintenant ton projet perso, Jean-Nicolas, vous vous en sortez? Est-ce que parfois vous vous sentez débordé? Est-ce que c'est embêtant d'avoir autant d'occupations? Bah non, c'est pas embêtant. Alors peut-être non. Lucas, lui, il a un statut différent, parce que Lucas, il a la contrainte de devoir travailler, de faire un autre travail pour pouvoir réaliser sa passion. Moi, j'ai la possibilité de faire mon métier à plein temps. Alors je vais pas, mais c'est un choix, c'est une liberté. Après, la liberté a des contraintes, forcément. Mmh. On est content de se lever au quotidien et de se dire qu'on va faire de la musique au lieu effectivement que d'aller bosser à l'usine ou de faire un travail alimentaire entre guillemets. J'ai pas cette contrainte là. Mais à un moment donné, on doit multiplier les projets, on doit multiplier les idées, on doit multiplier le, voilà, c'est tout ça. Des fois, ça fatigue un peu, mais après, c'est pas à la mesure de 8 heures par jour à l'usine. De voilà, il y a pas de comparaison possible. Mmh. Non, mais c'est vrai que bon, il y a des moments où il y a des coups de mou, hein, forcément, un petit peu. Mais c'est vrai qu'après, le fait de créer, voilà. Je dis qu'il faut que les gens essayent, quoi. C'est trop beau. Dans ton cas, Jean-Nicolas, la difficulté, j'imagine, c'est l'agencement. C'est-à-dire que si un artiste a une date de concert à ce moment-là, et puis que l'autre artiste pour lequel tu es musicien ou tu travailles, en tout cas, a une date le même moment, là, on est embêté. Oui, c'est déjà arrivé. Mais enfin, bon, ça, c'est le jeu. Tous ceux qui travaillent avec des intermittents du spectacle savent que c'est des fois des agendas qui vont un an, deux ans à l'avance, même peut-être plus pour certains. Donc c'est le lot du métier. Après, toutes les dates sont pas prises jusqu'en 2027, donc il y a largement encore la place et pour d'autres projets et pour d'autres dates et pour d'autres concerts. Hein. Voilà, il y a des périodes de grosses bourres, il y a des périodes où il y a moins de prestations, moins de projets. Ça va en dents de scie, mais quand tu repasses tu vois, ça, finalement, je fais jamais de regard arrière sur tout ce que j'ai fait. Ça m'arrive assez rarement, mais en fait, ça fait du bien des fois d'entendre ce qu'on a fait. Vous avez entendu ou vu Jean-Nicolas avec Delphine se défile, avec Emmanuel Bemer, avec Amélie Armao. J'en oublie, hein. On parlera tout à l'heure plus en détail aussi de l'écho du Connais, hein, la chorale. Et maintenant, vous allez entendre ce qu'il est, c'est-à-dire son projet solo. Bon, c'est de toute façon toutes ces collaborations, c'est ce que t'es, mais je veux dire, tu sers le projet de quelqu'un d'autre. Là, tu te sers. tu es prêt, Lucas, pour écouter ce que propose Jean-Nicolas? Vas-y. C'est parti pour 8 minutes. Alors, je ne l'ai pas entendu, hein, je vais découvrir comme vous, mais peut-être connaissant Jean-Nicolas, ayant déjà entendu certaines musiques, je pense que là aussi on va voyager, qu'il y a une histoire, qu'il y aura des ambiances différentes, etc. Est-ce que je me trompe ou non? Découvrons. le musicien Jean-Nicolas Mathieu. Merci à lui. Je crois que vous êtes les premiers à entendre ce morceau en dehors de l'entourage, Jean-Nicolas. Oui. Ouais, oui, c'est la première fois que je le diffuse. Je l'ai fait écouter à quelques personnes dans mon entourage parce que j'ai besoin d'avis, de retours, de sortir justement ce dont on parlait tout à l'heure avec Lucas du vase clos de la tête et du studio. J'avais besoin d'avis sur ce qui est bien, pas bien, sur ce qui fonctionne ou pas dans cette musique. Donc là, c'est un projet tout neuf. C'est une des pièces du projet. Le projet là, j'ai 50 minutes à peu près de répertoire. Il est tout neuf. Il vient de sortir là au mois de juillet, ça s'appelle Bleu Pétrole pour l'instant. Voir si je marche pas trop sur les plates-bandes d'Ala Bachung. Ouais. Faut que je vois. Je suis pas sûr encore de garder ce nom-là parce que. Pour les droits, ça peut être. Je me suis pas posé la question encore là. Pour l'instant, j'ai la musique, mais j'ai pas encore forcément le nom du projet. Voilà. Et il y a Londres aussi. J'ai vu sur la pochette du CD que tu as gravé. Donc il y a Bleu Pétrole, Londres. Alors Londres, c'est le nom du morceau que tu viens de diffuser. Ah oui, le projet serait donc le projet serait Bleu Pétrole, voilà. Le morceau Londres. Voilà, mais je pense que le nom du projet va changer parce que j'ai dû en trouver un et c'est pas très très judicieux d'avoir marché sur les plates-bandes de Bachung comme ça, donc je sais pas si je serais inquiété au niveau des droits ou pas, mais bon après voilà. Mais la musique c'est cette teinte là en fait. Voilà, de toute façon le titre, j'imagine que là c'est, bah comme tu dis, c'était provisoire, fallait en donner un, mais l'important c'était de créer la musique. Et les titres, on voit après souvent, j'ai déjà entendu des artistes qui disent que ben effectivement c'est ce qu'ils voient, le titre c'est la finalité, et des fois ça prend des plombes. Alors si tu commençais par trouver le titre et prendre des plombes et que t'as encore rien créé, oui, bah là le titre de cette chanson là par exemple, la chanson était finie, elle avait été bouclée je pense au mois de mars, avril, quelque chose comme ça, avril ou mai, je sais plus, et le titre m'est venu il y a 2 semaines ou 3 semaines quand j'ai enregistré, quand j'ai fini le mix, je me suis dit tiens ça, c'est ce mot là irait bien. Tu enregistres chez toi, tu as un home studio? Oui. Et bah d'ailleurs Lucas, par rapport au titre, bah déjà est-ce que tu veux nous parler de ton ressenti, ce que tu as pensé en écoutant ceci? C'est pas la musique que j'écoute beaucoup, mais c'est vrai que c'est assez avec ce démarrage très très très doux, après ça monte un petit peu en puissance. Bon, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de musique, alors c'est de la musique électronique ou alors c'est des sons que tu enregistres et que tu remets dessus? Tout est joué en direct, tout en est fait, joué. Si tu veux, le principe c'est que il y a la guitare, il y a quelques pédales d'effet, ouais, dont un looper. Alors le looper c'est une pédale qui permet de dupliquer, t'enregistres un passage de la musique, ouais, et tu dupliques. Alors il y a plusieurs solutions, soit tu fais ça en studio avant et tu lances comme des samples, ouais, tu vois, tu vas lancer la musique, soit alors tu les fabriques en direct. Et moi, j'ai pris le parti que tout soit fabriqué en direct. Donc, si tu veux, le morceau là, comme tu l'as entendu, je suis capable de le reproduire sur scène. Sur scène. Pas l'identique, parce que mais je pars de zéro à chaque fois. D'accord. Et je joue les morceaux. Et c'est ça le truc. C'est que pour l'instant, je veux pas avoir de trucs préenregistrés. Ok. Voilà. Donc, tout ça, c'est jouer. C'est fabriqué en live. En live. Le mouvement qu'évoquait Lucas, c'est ce qui a donné le titre, Londres. C'est par rapport au mouvement. Ouais, je trouvais qu'il y avait un truc assez aquatique dans cette musique-là. Même si au départ c'était pas ça l'idée à laquelle je pensais. En l'enregistrant, je me suis dit qu'il y avait un truc assez aquatique là-dedans. Dans le mouvement, dans les ondulations de la mélodie, dans les textures des guitares en début et milieu de morceau, je trouvais qu'il y avait un titre aquatique. Après, ça part n'importe où, mais comme on a dit tout à l'heure, l'idée du sens, quelque chose qui me... Je suis pas emprisonné par le sens. Voilà. D'ailleurs, cet instrumental, ce que tu proposes, ce projet, tu vas nous le dire d'ailleurs, hein, son aboutissement, album, scène, il n'y aura pas de paroles. Non. Non, parce que c'est pas mon truc d'écrire les paroles, peut-être ça viendra plus tard, mais je dis pas que pour l'instant il y aura pas de voix dedans, pour l'instant c'est guitare seule. Ça peut être des chœurs aussi. Oui, ça peut être l'emploi de la voix comme un instrument, évidemment. Pour l'instant, il y a de la guitare et voilà. Pour l'instant, j'essaye d'exploiter au maximum, de m'exprimer avec ça et en essayant de pas emmerder tout le monde. Voilà. Pas d'autres instruments, des percussions, etc. Non. Et non, parce que quand il y a des percussions, je les ferai à la guitare. Il y a des possibilités de faire des percussions à la guitare. Non, tout, j'aimerais bien tout faire avec la guitare. Et qu'est-ce que tu souhaites, alors, une finalité? Est-ce que c'est que ça soit un album? Est-ce que c'est, comme je le disais, de faire de la scène avec... Non, j'ai envie de jouer. J'ai envie d'aller défendre ce projet sur scène pour les gens, avec les gens, d'avoir des retours sur savoir si les gens sont rentrés dans la musique, échanger sur la musique avec les gens. J'ai envie d'aller jouer. En fait, le home studio, c'est rigolo, mais au bout d'un moment, j'ai envie d'aller à la rencontre des gens, de jouer avec des gens, de jouer pour les gens. Donc c'est effectivement ce projet-là, c'est aussi un projet de faire mon métier de musicien et d'aller jouer en live devant des gens, dans le plus simple appareil. J'allais te dire, c'était ça mon enchaînement. J'allais te demander, est-ce que tu irais? Alors, j'avais décidé de mettre à nu pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Puisque d'habitude, on le dit hein, depuis le début de l'émission, Lucas, c'est que Jean-Nicolas, lui, est musicien dans plein de projets, que ça soit avec la compagnie L'Aéronef, avec notamment Anne Marion qui danse pendant que Jean-Nicolas joue en live, que ça soit avec d'autres, avec des chanteurs, etc. Là, il y aurait pas d'autres artistes, par exemple, on pourrait aussi s'imaginer une performance. Alors, Lucas travaillant le verre, je sais pas, mais on voit beaucoup de peintres, ça se fait beaucoup. Hein, on s'est croisé d'ailleurs à Rue et Compagnie, Jean-Nicolas, et on a vu l'ancien guitariste de Noir Désir, Serge Tessoguet, qui est, lui, il joue de la musique, pendant qu'il y a un peintre qui peint une toile gigantesque au même moment. Est-ce que ce projet-là pourrait voir un autre artiste avec toi et un autre art, ou alors non? Bah si, c'est toujours c'est alors pour l'instant c'est l'essence de mon travail, parce que j'ai toujours croisé le verre peut-être même avec d'autres artistes. Là par exemple, on va faire un truc avec Anne au mois de, je sais plus la date, au septembre, octobre, je sais plus, avec François Klein, un plasticien au musée départemental. Ouais, c'est ça. Donc, au mois de novembre, je crois. Au mois de novembre, bien. Et ben alors, on va faire un truc avec ces métamachines. Ouais. C'est des machines complètement foutraques, faites à base de matériaux récupérés, mais qui ont une vraie... Chaque machine a une singularité, qui ont des mouvements cycliques. Mais dans le cycle, il y a le jeu du hasard qui vient un peu perturber le cycle. On croit que c'est cyclique, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. Et puis, il y a une vraie ambiance sonore. Et donc, Anne danse, et moi, je rajoute du son par au-dessus. Donc, en fait, on n'est jamais... Enfin, le partenariat, quand je disais tout à l'heure, jouer avec les gens et pour les gens, alors ça peut être avec d'autres musiciens, mais ça peut être aussi avec d'autres, toujours d'autres formes d'art. Et c'est parce que ça, ça nourrit et ça décloisonne un peu le musicien, mais qui est tout seul, quoi. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube de la compagnie L'Aéronef, vous pouvez voir une partie, un extrait de cette performance que vous aviez déjà joué, Jean-Nicolas, je sais plus, c'était à l'abbaye de Senon. Oui, à Senon. Ouais. Donc ça s'appelle Ex Machina. Et ouais, c'est vrai que c'est bluffant, les machines de ce plasticien, François Klein. Donc les machines qu'il a fabriquées, j'allais dire de bric et de broc, en tout cas avec des matériaux de récupération, elles sont toutes musicales, ces machines. D'ailleurs, j'imagine, difficulté, toi musicien, d'être aussi en harmonie avec la musique de ces machines. Ouais, alors des fois je le suis, des fois je le suis pas volontairement. Involontairement, c'est le fruit du hasard, au même titre que ces machines sont hasardeuses. Ça dépend. Des fois, voilà, c'est la rencontre. C'est comme deux personnes qui se rencontrent. On sait pas toujours de quoi on va parler ou comment on va en parler. Donc, la rencontre avec les machines de François, c'est pareil. Là, on est au début, Jean-Nicolas, de ton projet personnel, avec ce morceau qu'on a entendu il y a, tu le disais, une cinquantaine de minutes. Là, c'est pas finalisé, tu vas encore travailler dessus. Et après, une fois que ça sera le cas, tu iras porter ce projet sur scène. À quel moment ceux qui écoutent peuvent intervenir? Peut-être justement quelqu'un pour te faire jouer. Quelles seraient les aides dont tu aurais besoin? J'ai besoin de lieux, de salles et de me faire payer quand je vais jouer. Voilà, parce que c'est mon métier. Alors bon, évidemment, il y a des arrangements à trouver, mais j'ai besoin de lieux adaptés à la musique que je fais. C'est-à-dire, je me suis aperçu que peut-être les bars étaient pas forcément la meilleure manière de véhiculer cette musique-là, parce que c'est une musique qui est assez... Je parlais d'ambiance, on est dans toutes sortes d'ambiances, c'est-à-dire que là, c'est le genre de musique où on se fait des images dans nos têtes, on est porté. Voilà, bah oui. Bah je sais pas, en fait, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin juste de lieux pour aller jouer et de public pour écouter et d'avoir des retours sur ce que je produis, parce qu'il n'y a pas mieux que le public pour se situer. Voilà. Après, c'est vrai, comme disait Lucas tout à l'heure, les gens qui viennent acheter ses œuvres, ses pièces, ben ça, c'est ça qui montre qu'on est dans le vrai ou dans le faux. Mmh. Voilà. On peut te joindre. Bah toi aussi, tu as une page Facebook. Hein, on parlait pour Lucas tout à l'heure avec notamment les vitraux du Diable Vert. En plus de ta page de perso, il y a Delphine se défile. Et toi, Jean-Nicolas Mathieu? Oui, bah j'ai un numéro de téléphone. Ah, je peux le donner parce que je l'ai là. Eh ben tu peux le donner, vas-y. Et puis je suis champion du monde pour dire les numéros de téléphone. Alors j'éclaircis ma voix. 1 2 1 2. 06 60 81 13 50, Jean-Nicolas Mathieu. Au 06 60 81 13 50, vous avez entendu un petit peu une partie de son univers hein, cet après-midi. Vous avez pu voir, hein, je disais, tout le monde est multiple. Voilà, là, c'est bien le cas pour Jean-Nicolas. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ben, on est heureux, en tout cas, d'être au début. Ça nous paie, nous, toujours ici, être au début d'un projet, puis le suivre ensuite, de voir comment il va voguer. Bah merci d'avoir passé 8 minutes 34 de musique d'affilée en radio, c'est pas le format radio standard. Ah, cette émission s'appelle comment? Hors format, hors bravo Lucas, oui, hors format. Elle a sa place, forcément, c'est ici qu'il fallait que ça soit entendu. Jean-Nicolas, bah notamment avec Delphine se défile, mais peut-être aussi avec les autres artistes avec lesquels tu as travaillé, des premières parties. Vous en avez fait quelques importantes, hein, je pense à Carpath dernièrement, par exemple. Oui, il y avait Carpath. Alors je me souviens plus c'était quand, mais voilà, il y a eu Carpath, il y a eu Tournée Générale à Épinal, et puis bon, bah maintenant le set tient vraiment debout, donc on peut faire des premières parties, mais on peut aussi assurer. Alors au début, on a fait des premières parties parce qu'on a le set et c'était pas encore complètement travaillé. Mais maintenant qu'on a une 17, 18, 20 chansons, je sais plus, à notre actif, on est en mesure de faire un set entier. Il y avait aussi, alors je sais jamais pareil prononcé correctement, Ferguson. Ah oui, il y avait Ferguson aussi, oui, en Alsace, près de Strasbourg, là, je sais plus, j'ai plus en tête le nom du... Oldsheim, c'est ça. Mmh. Oui, il y a eu cette première partie-là, ouais. T'as vu, Lucas? Tout de tête, bah, sur le papier. Je suis très impressionné. Et si je te lançais sur les premières parties, c'est parce qu'on en revient toujours à ça, à l'échange avec les autres. Est-ce qu'il y a des retours quand les musiciens sont un peu plus connus, en tout cas ceux qu'on a cités là? Est-ce qu'ils sont, entre guillemets, sympas? Est-ce qu'ils vous donnent des conseils? Est-ce qu'en tout cas, il y a un échange ou est-ce qu'ils sont coupés et ne font pas attention à ceux qui jouent avant eux? Ça dépend des fois. Ça dépend de la scène. Carpath, ils ont jeté une oreille à ce qu'on faisait, ils étaient en coulisses, mais on a eu des super retours avec Delphine sur ce qu'on avait produit, ils ont trouvé ça cool. Et puis des fois, on n'en a pas du tout. Voilà, ça dépend des artistes, ça dépend des lieux aussi. Des fois, les coulisses sont vachement éloignées de la salle, alors ils entendent pas toujours. Tournée Générale a fait de super retours sur ce qu'on a fait, parce que je crois qu'ils se sont déplacés, ils sont venus voir. Pour voir comment ça ce que c'était quoi et voilà. Non, ça dépend des artistes qui nous accueillent en première partie, ça dépend du lieu, ça dépend de beaucoup de choses, de l'ambiance quoi. Si oui. Delphine se défile et Jean-Nicolas Mathieu en concert hein, puisque très prochainement jeudi 26 juillet à 20h au jardin en terrasse au théâtre de Verdure hein, c'est magnifique Lucas ce lieu, bien sûr, mais c'est Verdure, magnifique en plein air. Et puis si jamais il pleut, eh bien, vous irez sous l'âle, donc il n'y a pas de souci de se dire, oh ben mince, je sais pas, le temps, etc. Non, pas d'excuses. Vous pourrez passer un bon moment. J'y suis passé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. T'es allé voir un spectacle? Non, pas du tout, juste sur le lieu, quoi. Sur le lieu, je suis monté, et effectivement, ils ont tout nettoyé, tout est propre, tout est... Pour Jean-Nicolas et Delphine. Tout est prêt. C'est prêt, prêt pour les recevoir, et vous, public, jeudi à 20h, 8 rue du Griot, et puis il y aura de quoi se restaurer, boire un petit coup, l'entrée est gratuite, et sinon, si vous les avez manqués, ben, un mois après, le 25 août, c'est un samedi, à 20h, place de l'Abbaye à Remiremont, dans le cadre, ça sera pour clore le festival Un air d'été, 20h place de l'Abbaye, gratuit, et puis ça sera suivi d'un bal populaire, hein. Vous aurez échauffé vos gambettes avec Jean-Nicolas et Delphine, et puis vous serez prêts là, pour enflammer la piste dès 22h. Pour toi, quand je dis toi, je parle de Lucas, les prochaines échéances, bah, y a ce que je disais tout à l'heure, hein, le dimanche 5 août, ce brocante vintage, ouais. À Plombières-les-Bains. À Plombières-les-Bains, sur la place de la mairie, place Beaumarchais. Et sinon, on peut te rendre visite au Clos des Deux Augustins à ton atelier. Alors, quand tu es disponible, c'est pour ça qu'il faut appeler. J'ai oui, il vaut mieux appeler un petit peu avant. Si vous avez des kilomètres, après, quelque part, vous passez à Plombières, c'est joli aussi. Et si je suis pas là, il y a d'autres personnes. Hein. Oui, ça peut être un premier contact pour voir d'autres ce que choses tu fais. Il y a d'autres choses à voir. Énormément, comme on le disait. Hein, ouais. Les artistes et artisans qu'il y a à Plombières-les-Bains, c'est assez fou. Vous pouvez trouver sur internet les vitraux du diable vert, jeu de mots. Oui, c'est-à-dire c'est une circonstance plutôt où lorsque j'étais à l'école, j'avais fait une reproduction d'un vitrail dans le cadre d'un exercice quoi, et c'était un diable vert de couleur verte. Donc voilà, et j'ai fait diable vert VE2RE. Quand on est artiste, artisan et qu'on travaille dans un lieu qui a un cachet, puisque c'est le cas, les Deux Augustins à Plombières-les-Bains, j'imagine que tu l'as choisi pas par hasard. Oui, oui, tout à fait. Oui, Qu'est-ce que tu peux en dire sur ce lieu ? C'est un lieu magique, hein. C'est un lieu magique et secret, parce que ce qui est dommage d'ailleurs, parce que il est secret parce qu'il est pas il est pas sous le parcours habituel des gens qui viennent visiter Plombières. Pourtant on le disait juste en dessous. Les gens passent souvent à côté, malheureusement. Mais c'est vrai que les gens qui par bonheur arrivent jusque là sont charmés quoi, parce que c'est un lieu qui a vraiment un cachet quoi, qui est très sympathique. Et qui va avoir peut-être une nouvelle couleur, ça fait partie de mes nouveaux projets qui va démarrer si tout va bien début août. Où la rue va prendre des couleurs. Non. Voilà. À propos de couleurs, c'est peut-être le moment d'entendre une couleur. Je sais pas, peut-être que je dis une bêtise. Jean-Nicolas, il va tout de suite me mettre à l'amende si c'est le cas. On va entendre un dernier morceau, peut-être, de Delphine et toi, qui s'appelle Kill Me Johnny. Est-ce que c'est celui-là ou c'est un peu rockabilly? Non. Ah voilà, je vais dire. Non, c'est pas celui-là, c'est. C'est à tous les faits. Célibataire, je crois. Kill Me Johnny, c'est. Bon. On écoute Kill Me Johnny, même si c'est pas rockabilly. Ou tu veux nous faire entendre Célibataire? Est-ce qu'il y a un morceau préféré, toi? Delphine n'est pas là, tu peux nous le dire. Elle n'entendra pas. Que tu es peut-être en tant que guitariste, musicien, est-ce qu'il y en a un que tu préfères jouer? Oui, il y en a un, mais je crois que tu l'as pas. Ouais, c'est un morceau qui s'appelle La Résistante. Ah, mais j'ai cru que c'était À tous les fêlés, mais non. Non, mais j'aime bien le motif que tu joues sur À tous les fêlés. Et oui. Là, c'est un peu rockabilly. Le truc rockabilly, je crois que c'est célibataire. Célibataire. Lucas, on le passe? Écoute. Bienvenue c'est toi qui au musée des arts, ici il n'y a pas d'âme. Vous venez vous séparer il y a de ça quelques années. La devise de la maison en très gros sur le plafond. Mieux vaut être seul que mal baisé. Youpi, tralala, vous êtes célibataire. Youpi, tralala, y a plein de choses à faire. Youpi, tralala, quelle joie. Votre mère. Continuez sur votre droite, vous trouverez un automate célibataire et fier de l'être. Youpi, tralala, vous êtes célibataire. Youpi, tralala, y a plein de choses à faire. Youpi, tralala, quelle joie de revoir votre mère. Si vous avez d'autres chats à fouetter, si vous avez d'autres lièvres à courir, pourquoi ne pas sortir leur habit performant comme un coup de téléphone désespéré des amis, se plaignant de leur chérie, vous rappelle comme il est doux de ne plus être à genoux. Tralala, vous êtes célibataire. Youpi, tralala, y a plein de choses à faire. Youpi, tralala, quelle joie de revoir. Youpi tralala, Delphine se défile et Jean-Nicolas Mathieu célibataire. Et oui, c'était ça, Jean-Nicolas. Ah. Ah oui, bah quand je connais mes morceaux. Ouais, j'imagine. C'est la moindre des choses. C'est moi qui les connais pas. J'ai pas été, je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai pas été complètement affirmatif au départ, tu vois. Je me suis dit. Moi, ce que j'aimerais, peut-être que nous allons finir cette émission, on verra si vous avez encore d'autres sujets, mais notamment, moi, ce que j'avais relevé aussi, hein, on n'en a pas parlé avec Delphine, mais bah, y a des élèves qui chantent ces chansons. D'ailleurs, toi, tu as été chef de chœur pour un projet du Collège Saint-Joseph. Ah, c'est ça, Jean-Nicolas? Oui, en fait, avec la chorale du Collège Saint-Jean de Remiremont, on avait prévu avec la prof de musique, donc Élise Jaco, de faire chanter le répertoire de Delphine de Défine ce défile à la chorale à sa chorale de scolaire, en fait. Donc en fin d'année scolaire dernière, pas 2017 mais 2016, on a présenté un spectacle où Delphine chantait quelques chansons toute seule, il me semble. C'est, ouais, il y a eu une ou deux chansons toute seule, mais le reste du répertoire était interprété par la chorale, voilà, et Élise dirigeait, et puis on s'est occupé avec Élise des arrangements musicaux pour que ce soit chantable pour la chorale. Et si vous allez sur la page Facebook de Delphine se défile, vous verrez aussi une jeune fille qui s'appelle Lou Anne, qui a repris Ronde avec une mise en scène, donc Ronde, la chanson que vous avez entendue, je crois que c'était peut-être bien la première en début d'émission, chanson de Delphine, et c'est... Delphine, si tu nous écoutes, c'est une question. Alors, retiens pour la prochaine fois que tu viendras dans ce studio. Je me demande quel effet ça fait de se voir reprendre par des enfants ou autres. Mais en tout cas, quand on commence à se faire chanter ses propres chansons, hein, interpréter, réinterpréter ses morceaux par d'autres, ça veut dire qu'il y a du succès. Hein. En tout cas, c'est que ça fait écho. Ouais, bah, je crois que cette vidéo lui a plutôt, enfin, lui a fait plutôt plaisir, et quand elle a entendu aussi je parle à sa place, mais quand elle a entendu les élèves de Saint-Jean qui chantaient ses chansons, ça, on entend ses propres textes, et puis quand c'est véhiculé par des mômes, c'est encore plus, enfin, il y a un truc en plus, quoi. Bah, t'as assez fort, ouais. Oui, il y a quelque chose en plus. Comment se passe le travail de chef de chœur, Jean-Nicolas, notamment bah, celui que tu as pratiqué avec les collégiens de Saint-Joseph, celui aussi que tu pratiques tout au long de l'année avec l'écho du Conné, cette chorale à Uriménil, que tu as reprise, je crois, il y a peut-être 3 ans. Ouais, c'est ça, c'est la 3e année, là, on vient de terminer la 3e année. Alors, quel est ton travail? Et puis après, tu nous parleras de cette chorale précisément, l'effectif, ce que vous jouez. Mais déjà, ton rôle, un rôle de chef de chœur, bon, c'est peut-être pas forcément Lucas. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah non, je ne connais pas, mais ce métier-là. alors, le chef de chœur, c'est quelqu'un qui est déjà chargé de fédérer un groupe, de proposer un répertoire, de savoir mener une répétition, et puis de savoir guider les choristes pendant une représentation, pendant un concert. Donc c'est vrai que c'est tout un tas d'automatismes qu'il faut pouvoir... mettre en place pendant les répétitions pour que les concerts se passent bien, tout en gardant la spontanéité, parce que dans mon travail, il y a toujours, que ce soit en guitare ou dans des autres choses, et je cloisonne jamais, enfin, tout n'est jamais écrit à l'avance, en fait. J'aime bien qu'il y ait une part d'improvisation parce que ça me libère. C'est, l'improvisation permet de créer une fragilité qui rend plus libre et qui rend plus spontané, et puis qui fait qu'on surveille toujours ce qui va se passer, on surveille l'ennui. Donc voilà, donc avec la chorale du Riménil, c'est un peu la même démarche, sauf que je travaille avec des gens, et que là, c'est des amateurs, c'est des choristes, donc j'essaye de mettre en place des automatismes pour qu'en concert, on arrive à être prêt et en même temps spontané. Des adultes, quel âge? Oui, alors des adultes, alors il n'y a pas aucune distinction de niveau, d'âge, il y a aucune distinction possible. Le sexe homme-femme, il y a les deux? Oui, il y a même un chouette pupitre d'homme, ce qui est rare dans les chorales. Donc on est 17, je crois. Mm-hmm. On est 17. 3 pupitres, basse, alti et soprane. Le pupitre, c'est la voix. Oui, la voix dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire, si on chante grave, enfin, pour les gars, il peut y avoir des hommes qui chantent grave, c'est les basses. Les hommes qui chantent aigus, c'est les ténors. Les femmes qui chantent grave, c'est les alti. Et les femmes qui chantent aigus, c'est les sopranes. Donc, suivant la tessiture de voix, c'est comme ça qu'on dit, suivant la tessiture de voix, ben, on va dans telle ou telle voix. Tu as un joli panel, d'après ce que tu dis. Tu es satisfait de ça? Ouais, ouais, j'ai surtout des gens avec qui c'est super agréable de travailler, qui sont toujours prêts, qui organisent... là, on va organiser au mois d'octobre une rencontre avec une chorale iséroise qui vient nous rencontrer. Donc là, c'est le match retour. On y est allé l'année dernière en Isère. Là, c'est près de Grenoble. Et bah là, en octobre, ils viennent. Donc on a fait un concert commun. On jumelle nos répertoires. On fait deux ou trois chants communs. Et puis eux présentent leur répertoire. Nous, on présente le nôtre. Et puis c'est super parce que les gens se rencontrent. Et ça, c'est vrai qu'être chef de chœur pour ça, c'est super parce qu'il y a c'est une activité qui fédère les gens. Quel est votre répertoire à l'Écho du Connet? Il y a de tout, il y a du chant religieux, mais pas trop. Il y a pas mal de chants du monde, des chants ukrainiens, des chants marocains, des chants traditionnels bretons, des chants traditionnels basques. La chanson française, Brassens. C'est assez large. Il y a des chansons du début du siècle, 1915, des chansons un peu oubliées que j'ai retrouvées dans des vieux feuillets que j'ai mis au programme. Là, on va attaquer un répertoire de chants plutôt vosges-pattes. Donc c'est bien, je vais réarranger des chants vosgiens. Donc c'est assez large. C'est ce qui me tombe sous la main, ce qui me plaît, en fonction aussi de l'énergie que j'ai envie de susciter chez les choristes. Cette diversité musicale, c'est ta marque de fabrique, hein. C'est déjà ce qu'on avait pu voir et entendre avec ce projet qu'on évoquait tout à l'heure avec la compagnie L'Aéronef. Love Songs, c'était des chansons d'amour, mais alors d'un répertoire très large, dans les époques, dans les langues. Bah oui, après c'est un peu malgré moi, parce que on aimerait toujours être ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire que moi j'aurais vraiment bien aimé être spécialiste d'un tel type de musique, mais je crois que mon parcours m'a pas forgé comme ça. Et des fois je trouve ça chiant et des fois je trouve ça bien, ça dépend, mais je ferai le bilan avant la mort. Lucas, avant de nous quitter, on va voir, c'est un peu question pour un champion, là, prépare les mains sur le buzzer, bon il y en a pas, une question, pourquoi la chorale, où est chef de chœur Jean-Nicolas, s'appelle l'Écho du Connet? Ah, c'est une bonne question. Tu connais pas? Tu connais? Par rapport au nom du village, des plus habitants. Pas du village, non. Non. Uriménil, mais cherchez chez vous. Vous n'avez rien à gagner, juste la connaissance. Uriménil. Qu'est-ce qui peut donner le nom à une structure? Bon, ça peut être un village, ou en tout cas, ça peut être un autre élément pas loin du village, un élément naturel. Oh. Un ruisseau. Ah, une rivière. C'est ça, hein, le Connet. Oui, c'est ça. C'est la rivière. Ça. Oui, oui. Et oui, Uriménil, ça va, c'est pas très loin. Toi, tu es de Saint-Étienne. Pourquoi d'ailleurs tu as eu l'opportunité d'être chef de chœur là-bas? Et ça aurait pas pu être ici, dans le secteur? Bon, il n'y a pas tellement de chorales ici. Ça aurait pu être ici. J'ai travaillé avec la chorale de Saint-Nabord il n'y a pas très longtemps. En début d'année civile. Pourquoi là-bas? Parce qu'ils avaient besoin d'un chef de chœur et que j'ai eu vent, qu'ils avaient besoin d'un chef de chœur, donc j'y suis allé. Et puis c'est tout, c'est la seule explication. Tu n'aurais pas voulu monter une chorale, toi, même? Non, pour l'instant, être chef de chœur, ça permet d'aller faire de la musique avec des gens, mais j'ai aussi bigrement besoin et envie de faire de la musique avec des gens, avec la guitare. En fait, j'ai vraiment besoin de faire de la guitare. C'est ça qui est au fond en ce moment. Ouais, j'ai peut-être dit une bêtise parce que des chorales, j'ai dit qu'il y en avait peu dans le coin. Si, il y en a quand même. Si, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et il y en a beaucoup qui cherchent des chefs de chœur. Et pour l'Écho du Connet, il y a que des gens du Riménil ou il y a autour, c'est-à-dire par exemple ceux qui nous écoutent et qui aiment ta personnalité, qui aimeraient rejoindre cette chorale, qui n'est pas si loin. Hein, c'est quoi? C'est une demi-heure. Ouais, c'est une demi-heure et puis moi j'y vais déjà. J'habite Saint-Étienne, donc j'y vais déjà. On peut rejoindre cette chorale bien sûr. Qu'on habite. Bien sûr, il y a des gens. Bon, après, c'est des gens qui viennent de Dounou, donc c'est la banlieue proche du Riménil quelque part. Hein. mais il y a aucune frontière. Si des gens de Saint-Nabord, Miremont, Saint-Amé, Doudou qui viennent, veulent venir chanter, il y a aucun problème et on peut même covoiturer parce que moi j'y vais tous les mardis soirs, donc ça peut m'être aussi facile, quoi. Lucas. T'as pas le temps d'aller chanter avec Jean-Nicolas et les autres membres de la chorale? J'ai surtout pas le Enfin, j'ai pas le temps et pas le talent non plus. Ah, c'est pas forcément une question de, c'est pas forcément une question de talent, en fait. C'est plutôt, parce que le problème de la gestion de la voix, des voix qui chantent juste, qui chantent faux, bon, ça c'est, on peut chanter faux tout seul dans sa salle de bain, mais chanter juste en groupe parce qu'il y a le groupe, justement. Donc c'est plutôt une question de motivation et d'envie, en fait. Mmh. Le fait de savoir, de dire qu'on n'a pas le talent ou chanter juste, chanter faux, c'est juste savoir si on a envie ou pas, quoi. Je suis content, il n'y a pas que moi qui dis des bêtises, Lucas aussi. Et pour donner un exemple personnel à ce que vient de dire Jean-Nicolas, quand j'étais troufion, quand j'ai été militaire, je me suis aperçu de ce que disait Jean-Nicolas, c'est-à-dire que, bon, je chante très très mal, seul, et puis en groupe, à l'armée, dis donc, je me sentais pousser des ailes. Oh. Non mais c'est vrai que tout de suite, à la force du groupe, c'est tout de suite Je pense que oui, l'envie doit quand même motiver un peu, puis le voilà quoi, apprendre un petit peu à gérer sa voix, je pense. Oui, après on apprend sur le terrain. J'ai vraiment pas de professionnel dans ce cœur à Urimesnil, mais par contre j'ai des gens qui ont envie et qui sont vraiment comment on dit indéfectibles, qui ils sont toujours là, ils donnent à fond, ils sont de bonne composition, et du coup on arrive à faire quelque chose parce que il y a une motivation sans faille derrière. Ouais, c'est ça. Lucas et Jean-Nicolas, est-ce qu'il y a un thème qu'on n'aurait pas évoqué, quelques derniers mots que vous souhaiteriez prononcer? C'était ton dernier mot, merci. Non, pour ma part, non, il y a quand même un petit projet, comme je disais tout à l'heure, au niveau de mettre de la lumière dans la rue, qui va arriver là prochainement, d'ici. À Plombières-les-Bains toujours. À Plombières-les-Bains, ouais. Donc ça va être une œuvre citadine qui va être mise en place prochainement et qui va être participative, où chacun pourra acheter son petit morceau de l'œuvre. Et comment ça va se... Ça va se traduire sur le mur, donc, qui est dans la rue Griot, qui est au pied des jardins en terrasse, où il y a des petites alvéoles en béton, des petits carrés qui sont creusés comme ça, qui sont moulés dans le béton, et que je vais combler avec du verre. Donc du verre, où là, je vais mettre un miroir au fond de cet alvéole et ensuite un morceau de verre devant. Voilà. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et les gens vont acheter son petit message. Ah, c'est juste acheter, ils font pas. Non. Ça aurait été bien qu'ils le fabriquent. Non, après, c'est très compliqué à gérer. Hein. Mais d'ailleurs, donc ça sera à peu près quand? C'est la première fois que j'en parle en public. Aujourd'hui, j'ai eu des scoops. Hein. Et donc, ça va se lancer sur Internet d'ici une semaine ou deux, quoi. Voilà. Et tout à l'heure, je suis pas allé au bout de ce que je voulais quand on parlait de transmission. On a parlé de la transmission avec Jean-Nicolas, mais pas avec toi, Lucas. Et oui, puisque tu proposes des stages aussi. Je propose des stages, oui, bien sûr, à tous ceux qui veulent tester, ceux qui ont déjà testé et qui veulent continuer à faire du verre, à essayer de faire des pièces. Et la plupart du temps, c'est des gens qui n'ont jamais coupé un morceau de verre et qui viennent et qui, au bout de quelques heures, réussissent à faire un vitrail. Et ils repartent avec leur vitrail, ils sont tout heureux. Moi, j'avais vu un article de presse, et il y avait notamment parmi tes stagiaires, et j'ai trouvé ça intéressant, une Chinoise. Ah oui, exact, oui. Ça a été, c'était au mois d'avril, ouais, je crois. Et donc là, c'était un groupe d'étudiants de l'École des Beaux-Arts de Caen. Donc là, c'était pas des novices comme tu disais là. Alors en verre, si, en verre. C'est des artistes quand même, en tout cas. C'est des artistes, oui, c'est différent. Et donc c'est un groupe de quatre. Alors ils ont pas tous fait du verre. Donc il y a eu Lucie qui a fait du verre avec Yi, donc la chinoise. Yi était partagée entre le verre et la photo, donc elle n'était pas tout le temps à l'atelier. Et deux autres personnes, il y avait Victor et Herveline, qui eux faisaient vidéo et photo dans Plombières. Voilà. Et donc, c'était une collaboration grâce à Lucie, qui était venue exposer à Erotica, et qui avait bien aimé l'atelier, tout ça, qui avait fait un petit peu le forcing au niveau de son école pour faire un petit stage chez moi. On en revient toujours à la base, hein, les rencontres qui font avancer chacun, soit artiste ou non. Ah bah. En ce qui concerne Yi, cette jeune Chinoise, est-ce qu'elle t'a parlé de la culture du vitrail en Chine? Est-ce qu'elle a ramené de sa culture... Dans ton atelier? Non, pas du tout. Le vitrail en Chine, est-ce que toi tu as étudié d'ailleurs les vitraux ailleurs dans le monde? Bah, beaucoup. Moi, j'ai beaucoup regardé sur les vitraux qui étaient à l'époque Art Nouveau. C'était vraiment un thème que j'aimais bien. Donc, il y a beaucoup, bah, du côté des pays de l'Est, etc., où là, il y a beaucoup de vitraux. Il y a l'Espagne, il y a le Belgique, enfin, etc. C'est vrai qu'en Chine, je ne sais pas du tout. Je sais qu'ils fabriquent beaucoup de vitraux pas chers. Effectivement. Qu'ils fabriquent maintenant du verre aussi pas cher. Voilà, quoi. Bon, à part ça, je sais pas du tout. Non, je connais pas la culture. Non. À propos, le verre, ta matière première, tu en trouves facilement, de qualité? Oh oui, ça se trouve. Hein. Oui. Le plus difficile à trouver, c'est lorsqu'on fait une restauration, quoi. Il faut retrouver un verre qui, malheureusement, n'existe plus. Donc, il faut aller gratter à droite, à gauche, pour voir s'il n'y a pas un morceau qui traîne. Voilà, quoi. Je parlais de couleur. Des fois, tu peux le peindre. Oui, ah bah oui, on peut tout faire. On va pas parler de technique, on l'avait déjà fait une fois. Et vous irez voir Lucas dans son atelier 4 rue Griot à Plombières-les-Bains si vous avez envie d'en savoir plus. Et moi, hein, j'ai un coup de cœur pour la cassette à bisous. Non mais c'est vrai, toutes ces variantes de bisous. Oui, non mais c'est voilà, c'est. C'est original. C'est un petit geste sympathique, hein, voilà, et qui est pas cher en plus. Bon Lucas, ton dernier mot, c'était plus qu'un dernier mot. Je t'ai un peu aidé. Et Jean-Nicolas, qu'est-ce que tu voudrais dire pour finir? Ben je sais pas, je pense que. Ne dis pas merci, hein, autre chose. Non, mais écoute, non, j'ai rien à ajouter. Je pense que c'est voilà, ça fait bizarre de se voir passer en revue comme ça tous les projets que j'ai pu faire ces dernières années là, parce que voilà, je fais pas souvent le bilan et tu l'as fait pour moi, donc c'est bien. Comme ça, je peux partir en vacances tranquillement. Et puis parfois, c'est vrai que tu le disais, il y a beaucoup d'artistes me disent, bon, on doit avancer, on n'aime pas forcément regarder en arrière, mais parfois ça peut être utile justement pour repartir, pour finalement partir de cette base et puis continuer sa route. Ouais. Et puis là, le projet solo, c'est une autre route qui se dessine, et c'est vrai que c'est une autre phase de la musique. J'avais pas fait ça avant. J'ai beaucoup travaillé tout seul pour les bandes son avec l'aéronef, avec le théâtre de l'imprévu et tout ça. Et là, c'est un projet qui m'appartient où je suis seul maître de ce que je fais, responsable de ce que je fais. Et ben voilà, allons-y. Et c'est dans la continuité de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et puis tu viendras hein, ici, on fera pas le bilan la prochaine fois, on parlera uniquement de ce projet, de son évolution, ça sera intéressant de voir les différentes étapes de celui-ci. On va se quitter sur un générique qui a un motif oriental, et justement, peut-être à tort, moi tout à l'heure, dans le morceau que tu nous as fait entendre, L'Onde, j'avais l'impression qu'il y avait, on parlait de culture aussi chinoise par exemple, culture d'ailleurs, dans tes morceaux, des fois, il y a des fragments de culture d'ailleurs. Et par exemple, est-ce que quand tout à l'heure j'ai eu l'impression d'un motif oriental, je me suis trompé? Non, tu t'es pas trompé, parce qu'en fait, dans la musique, il y a différentes gammes qu'on peut utiliser. Donc les gammes, c'est des suites de notes pour faire des mélodies. Et donc on connaît tous do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais il suffit qu'on mette des fois qu'on utilise une gamme qui est différente, et ben ça nous transporte directement dans une autre culture. Voilà, une gamme à 5 sons va nous transporter en Asie, une gamme avec une cassure mélodique au milieu va peut-être nous transporter dans les pays arabes, voilà, enfin c'est ou voilà, ça dépend. Tu te plais à inviter au voyage? C'est ce que j'ai dans le crâne, je fais pas forcément exprès, mais je suis pas non plus spécialiste de culture musicale d'ailleurs, mais en tout cas ce qui vient c'est ça. Alors laissons venir. Partons tous de notre côté maintenant avant de se retrouver. À bientôt, messieurs. Merci, Mika. Merci, au revoir. Au revoir.